Vous êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage Ricky. Alex Marchand sera très convaincant en nous parlant de ce qui se passe dans sa tête. Et Marc Lachance testera notre endurance en humour avec sa nouvelle chronique de folerie. Assemblage Ricky commence tout de suite. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Ricky en ce mercredi 29 novembre 2017. On est à 149 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, là où la première glace se fait voir. Hein? Tu sais, il y a un oiseau présentement à l'extérieur. Oh non. Puis il est vraiment pas certain s'il peut marcher. Mais tu peux pas marcher. Tu peux pas marcher. Reste faites attention. Ayez des crampons ce matin. Tellement, parce que j'ai des nouvelles bottes, hein, tu le sais. Et oui. Pour vrai, ça glisse pareil. Fait que je pense que c'est immanquable que quelqu'un va se planter aujourd'hui. C'est sûr. Il a l'air de pas savoir où il s'en va, l'oiseau. Il mange. Aussi. Il a faim. Moi, je pense qu'il va y avoir une bonne possibilité de statistique qu'il y a des gens qui vont se pointer à l'urgence pour cassure aujourd'hui. C'est clair, ça me rappelle le mois de mars quand exactement. J'ai vécu la même chose. OK, oui. Sauf qu'à la place d'être à la fin de l'année, c'est au début. Mm-hmm. Bon. Bref, l'émission d'aujourd'hui, Tania, va être vraiment chargée. Si tout va bien, évidemment, on attend que les gens se lèvent, réussissent à se rendre. Oui. Et après ça, se rendre en studio. Oui, c'est ça. C'est ça. Bref, aujourd'hui, donc, on a Alex Marchand à 8h pour sa chronique Dans ma tête. Lui qui nous parle des fois d'alcool, d'activité, de sport, de nightlife. Ça peut être plein de choses. Mm-hmm. C'est le fun, c'est à 8h. Ensuite, à 9h, dans les coulisses de la Luitre. Aujourd'hui, ça va être un invité spécial qui va nous faire cette chronique-là. C'est Marc Lachance, oui. Qu'on reçoit aussi pour sa nouvelle chronique de folerie, une chronique humaine et niaiseuse. On a hâte. Ça, c'est à 9h30, mais donc il va nous faire la chronique de la Luitre aussi juste avant à 9h. On n'a pas David Ferron, malheureusement, pour mais la chronique Zone Campus. Non, on va devoir s'en passer cette semaine. Des choses qui arrivent. C'est comme ça. Ta chronique s'en vient plus tard aussi. Tania is gonna entertain you. What's oui. up? Le temps change, oui. Mais on a des habitudes qui changent pas pareil. Mais peut-être, est-ce que ça peut nous rendre malades? On devrait les changer. Oh! Oh boy! On parle de ça tantôt. Ça s'en vient tout à l'heure. Pour l'instant, dans quelques minutes, si tout va bien, ce sera Sébastien Guertin, sa chronique Bulletin Guertin, lui qui nous écrit à l'habitude quand il n'arrive pas à l'heure et on n'a pas encore de message. Donc peut-être qu'il va s'en venir, peut-être pas. On verra. C'est la journée des improbables et des impossibles aujourd'hui. Donc, on va planifier l'émission en cours de route. Commençons avec une pièce. En fait, je te mets un petit peu de contexte dans cette pièce-là. Juste avant que l'émission commence, il y avait une bonne petite chanson un petit peu relax plate. Mm-hmm. Mais avant ça, on a joué sans faire exprès deux fois le même groupe. Ah oui? Et c'est un de mes groupes préférés à vie qui s'appelle Valès Pariétaire. C'est eux qui ont composé la chanson thème d'Assemblage Ricky. Ce que vous entendez en ce moment est un remix, évidemment, mm-hmm. Par Renard Frac, mais la vraie chanson par Valès Pariétaire. Il y a eu deux chansons du même groupe séparées par une identification station. Pourquoi? Parce que dans notre logiciel de diffusion, il y en a une qui s'appelait Vanesse Pariétaire et l'autre s'appelait Vanesse Pariétaire, sans oh. accent. Hein? Je me suis dit, OK, deux, c'est bien bon, là, mais moi, regarde, mais... m'a battu ça, m'a t'en mettre une troisième. Oh. Voici leur chanson thème, Vanesse Pariétaire avec Vanesse Pariétaire. Assemblage Ricky sur C'est Fou. Oh. Vanesse Parietaire, avec nul autre que Vanesse Parietaire. J'ai écouté ces albums-là tellement souvent de Vanesse Parietaire. C'est tellement bon. J'adore ça. Allez voir sur Bandcamp, Vanesse Parietaire. C'est ça, exactement. Toujours à son âge requis. Maintenant, étant donné que Sébastien Gartin n'est pas encore avec nous, on espère l'avoir plus tard quand ben même. Ben oui, dire. Certainement. C'est bon de faire son foutu palmarès. Jusqu'à ce que on est allé sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est quand même une thématique assez précise, c'est la langue. Mm-hmm. Linguistique, langage, trucs comme ça. On sait qu'à chaque année, il y a des nouveaux mots qui sont ajoutés dans le dictionnaire. On en parle à chaque fois dans les grands médias, qu'on a ajouté tel mot par rapport, je sais pas, ou à la politique, à la technologie, des trucs qui changent pas mal. Mais il y a d'autres pays qui ont aussi des mots de l'année, et des fois, ça peut être un petit peu plus original que ce qu'on invente en Amérique du Nord. C'est vrai. Alors, on va aller en Suède pour commencer avec le mot Ögonkrampe. Ögonkrampe. Le premier O a des trémas dessus. J'imagine que ça change de prononciation, mais quand même, on va dire Ögonkrampe. C'est le Swedish Language Council. Eux, ils choisissent pas seulement un mot par année, mais sortent toute une liste de nouveaux mots. Et Ögonkrampe a attiré l'attention de mentalfloss.com. Ça veut dire une crampe aux yeux. Ah, quelque chose que t'as quand tu regardes ton téléphone trop longtemps. Ah ah. Ça a du sens, une crampe aux yeux. Oui, oui, oui, ça fait du sens. Quand tu bois de la slush, t'as une crampe au cerveau. C'est vraiment pas plaisant. Non, sinon il y a aussi Ratsurfa. Ratsurfa. C'est pas une, un surfeur rat comme, comme on aurait pensé. Non, c'est wheel surfing. Donc c'est utiliser un téléphone pendant que tu conduis. Tu surfes au volant. Eux aussi avaient surfé sur Internet. Ouais, mais c'est illégal, fais-le pas. Non, je sais, mais quand tu le fais, tu t'appelles wheel surfing, surfeur du volant. Hein? On devrait les utiliser en français, surfeur du volant. Ouais, c'est ça. Crampe aux yeux, je vais les retenir, ça. Ensuite, on a Transit Flight. Flighting. Oui. Friended Flight King. Ça veut dire donc un réfugié en transit. Donc un réfugié qui passe par un pays en s'en allant vers un autre. OK. Un réfugié en transit. C'est pas pire. Ensuite, on a Svajpa. Hein? C'est un peu comme swiper. Donc sélectionner ou rejeter quelqu'un dans, dans une application de dating. Ah. Donc Svajpa. Je connais pas ça. Je vais Svajpa. Ouais, non. Et je crois pas que tu veux aller là ce matin, Mathieu. Ah, il y en a pas mal qui ont l'air de vouloir passer par là. C'est le super vag là, ils disent tout le temps Dieu. Ça. Ben voyons donc, t'es-tu sérieux? Non. OK. Et... une chance. Mais dorénavant, avoue que t'as envie de l'utiliser. Ben là, c'est sûr que je vais l'utiliser au moins une couple de fois, voir la réaction des gens. Ensuite, on a le verbe dumpstra, ce qui veut dire plonger dans les poubelles pour aller chercher quelque chose à manger. Ah, entre autres, triste. Ou de manger ou quelque chose. Ouais. Dumpster diving, comme on l'appelle. OK. Ensuite, on va accueillir notre ami Sébastien Evgartin qui est arrivé, même si j'ai commencé la chronique, il faut que je la finisse. Fait que bonjour. Salut. on va en Allemagne ensuite pour le mot Flüschlinge. Pardon? Flüschlinge, peut-être? Fait que j'imagine que tu flushes quelque chose. Ton linge? Ouais. On sait pas. Bref, en Allemagne, ils ont accepté plus d'un demi-million de réfugiés en 2015. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc, bref, le mot Flüschlinge, c'est le mot de l'année. Le German Language Council dit que c'est non seulement d'importance politique, mais aussi dans sa structure linguistique, parce que c'est le verbe flee, comme dans quitter. Okay. Et la terminaison ling comme dans terminer, donc arrêter. Huh. Hein? Donc ça s'est retrouvé dans plusieurs autres mots. On a suggéré Gefluchteten, qui veut dire des fugitifs, qui serait un meilleur choix selon certains. D'autres finalistes parmi les mots de l'année en Allemagne, je suis Charlie, ça c'était en 2015, encore une fois. Muggelmotor, ça c'est donc tricher par rapport au moteur de voiture. Sébastien Gertin connaît ça, c'est un grand passionné du sujet. Les trucs de Volkswagen, tout ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Pourquoi tu me regardes pour ça? T'as réussi à me dire. Parce que t'en... Ouais, mais t'en parles souvent de ça? Ben non. Encore aujourd'hui. Ben. On va au Danemark ensuite. Le mot Flygtningstrøm. Pardon? Flygtningstrøm. Oui, ben oui. Oui, donc c'est un grand nombre, encore une fois, de réfugiés hein, qui passent par l'Europe. Sinon, il y a aussi Flygtning... C'est à ça que t'aurais dû me regarder, en fait. C'est mon sujet de maîtrise, mais en tout cas. T'as raison, ben ça aussi. Donc, tu peux avoir plusieurs traits de personnalité, Sébastien. Non. Je peux pas. Okay. Je peux pas. T'es un homme unidimensionnel. C'est ça. Je suis un personnage dans un film de Marvel. Okay? C'est exactement ça. On a en Espagne Refugiado, évidemment, encore une fois, un truc de réfugié. Ensuite, on a aux Pays-Bas Siolmensortware. D'accord. Hein? Donc, le groupe de dictionnaire Van Dale a choisi ce mot-là pour faire référence, encore une fois, au scandale de Volkswagen à l'époque. Mm-hmm. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de trucs vraiment dans l'actualité de Volkswagen. Ben oui. Là-dedans. On a en France, où un des mots de l'année était laïcité, liberté d'expression, à ce moment-là. En Australie, l'économie du partage. Okay. En Chine, l'incorruption. L'incorruption. Ouais, donc le président Xi Jinping et ses efforts anti-corruption à ce moment-là. À Singapour, on a Gloire. Gloire. Gloire. C'est bien, oui. C'est en l'honneur du fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, qui était décédé à ce moment-là. Okay. Ensuite, on a au Japon la sécurité, la paix. Mon Dieu, OK. Ouais, la sécurité, tout ce qui est... C'est le mot de l'année. Bien. Et voilà. On parle le mot de l'année d'il y a quand même quelques temps, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour ça, on va passer à notre ami Sébastien Viertin sans plus attendre. C'était quoi au Canada? On l'a pas dans la liste, non. Ah, désolé. Pas de Justin Trudeau. Ouais, c'est ça, mais on a pas Justin Trudeau. C'est ça, ouais. c'est ça. On parle quand même pas mal de mots de l'année dans les médias locaux, habituellement, à chaque année, quand il y en a des nouveaux. Ouais. On va surveiller ça, s'il y en a qui sortent. Ben oui, tout à fait. Dans les prochains... Je sais pas, ça sort quand, c'est les classes à l'automne? C'est peut-être même déjà fait. Peut-être. Qu'en sais-je? Je disais donc qu'on passait à Sébastien F. Gartin. Voici son bulletin, Gartin. Sébastien Biertin, t'as vécu un périple encore ce matin? Ouais. Oui, ouais. J'ai testé les limites de mon grattoir. Toi aussi? Ouais, c'est ça, je me suis pas pressé d'avance. Ça prend par surprise aujourd'hui quand même, on doit dire. C'est impressionnant. T'as l'impression que c'est de la buée, tu sais. C'est ça, puis il y a comme des gouttes dedans. Fait que là, mon grattoir, il est juste en plastique, le mien, fait que comme il vit dessus au lieu de gratter. Mm-hmm. Bref. Bref, vous savez quoi offrir à Noël pour Sébastien? Ouais, un grattoir. C'est ça. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie. Millions de fans. Ouais. Grattoir à vite, s'il vous plaît. Fan. Les fans. Non, j'ai vu pour la première fois le petit truc qui passe le sable sur les trottoirs. C'est comme, c'est comme un petit chien. Il fait une crotte de sable à chaque quelques mètres. Petit chien à chenille. Je pensais que c'était une affaire qui pissait de sable, moi. Non, c'est comme un genre de. C'est comme un sable mouvant. Ah, dans le camion, il y a comme un cylindre. C'est comme un genre de cube, si on veut. Ouais. Il y a comme un petit cylindre, puis le sable, il vient comme descendre dedans. Il y a une petite porte qui s'ouvre, puis ça chie. Disons. Ah, ben mon Dieu. C'est bien plaisant. C'était beau le langage. Normalement, ça coule constamment. En fait, quand il marche comme un chien un peu incontinent, ouais. Là, d'après moi, c'est à cause d'humidité, il doit pogner en pain. Ouais, sûrement. C'est très humide. C'est incroyable en ce moment. Bref, Sébastien, t'es là pour nous faire ton bulletin Gartin. Comment ça s'appelle? C'est ça. Donc, j'ai commencé bulletin météo. Oui, c'est ça. Les sports après la pause. D'ailleurs, c'est ça, m'a fait un match de mots plantes. Non, en fait, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'était du sport ce matin, gratter mes vitres. Oh. J'avais donc parlé d'Adidas. What are you talking about? Le lien. I don't understand. Oh, you don't understand. Voyons, Mathieu, pourquoi tu parles pas français? I don't know. Par ironie, j'avais envie de commencer. Je m'étais dit que je préférais ma chronique hier. Je me suis dit, je préfère ma chronique en anglais complet. Ça pourrait être drôle. Welcome to the Gherkin Belton. So we're going to talk about Adidas. Je m'imaginais juste parler anglais à 7h du matin. Je vais dire, imagine le bâillement va arriver encore plus vite qu'à l'habitude. C'est ça. Donc, j'ai pris mon café à matin, par contre. Oh. J'ai pris le temps de déjeuner à matin. C'est pour ça que j'avais plus beaucoup de temps pour gratter mes vitres. Normalement, j'aurais été correct. On dirait que mon cerveau est pas encore. Non. C'est pas encore l'hiver dans ma tête. Je suis d'accord avec toi, le mien non plus. Non. Hein, on se comprend. Dis le gars qui travaille dans un magasin grande surface qui joue de la musique de Noël depuis au moins 2 semaines. Oui, mais justement. C'est justement. Ça. Dans sa tête, il y a un blocage. Ça mêle tout, là. Quand je sors de là, je l'oublie. Il me semble qu'il y a de la musique de Noël au mois d'août, je comprends pas. T'as l'air de t'aller. C'est ça, tu sais. Ben, c'est pas encore l'hiver. 21 décembre. Bon. Donc, c'est ça, Adidas. Ben, pour ceux qui vivent sous une roche, pourquoi est-ce que je parle d'Adidas? En fait, c'est une nouvelle qui est déjà vieille d'une semaine. Puis c'est que la semaine passée, j'avais juste pas le goût de parler de ça. Ouais. Ça vient d'arriver la semaine passée, c'est ça? C'est ça, c'est arrivé le. C'est sorti des nouvelles le 22. Ouais. Donc, mercredi passé. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que j'en ai pas parlé la semaine passée. C'est que c'était la même journée, après ma chronique. Ouais. mathématiques. Justification bonne. Comme je dis, je suis pas allé en philo parce que j'étais bon en maths. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Lucille? Ah, ben oui. Attends, on va être multilingue pas mal. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a une boutique Adidas au centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, qui était fermée pour rénovation. Et là, c'est vraiment là, tout un concept. Ah oui, vendre des souliers. La grosse affaire. C'est incroyable. Ben, tu sais, ben, en fait, les souliers, c'est les nouveaux souliers. Souliers, ouais, c'est ça. Mais, il y en a deux non, par mais paire. Ça, pour faire une parenthèse, un ancien collègue à mon magasin grande surface d'électronique auquel je travaille pour payer mes comptes, qui est parti pour devenir un assistant gérant dans un... Finalement, il fait d'autres choses, la star, mais dans un Foot Locker, il me disait, tu comprends pas, il y a des éditions spéciales de, mettons, de Nike, Air Jordan, qui ça. C'est comme une édition spéciale parce que le petit, pas le Swift, mettons, juste la petite ligne autour du Switch, n'est pas de la même couleur. Ouais. Fait que là, c'est une édition spéciale, ils valent 600$. Non, mais c'est vrai, si tu vas sur le site, monde qui appelle, des compagnies, il y en a des plusieurs centaines. Ça, c'est une affaire. Ouais. Mais c'est qu'en plus, ce qu'il me disait, c'est que la journée qui sort, il y a du monde qui appelle pour dire « t'en restes-tu? » Hein? C'est là, ils sont comme « c'est quelle grandeur vous avez besoin? » Je m'en sac. Je veux juste qu'il y ait un contour. Ouais, c'est ça. Je veux juste qu'il en reste. Du monde qui considère des souliers comme du bling que t'exposes et non que tu portes. C'est ça comme des figurines, capoter. Mais c'est des souliers. C'est ça. Moi, ça me fait capoter. Ouais. C'est même pas hot, un soulier. Je veux dire, une figurine, au moins, c'est comme... Ouais. C'est tard. Ouais. Non, c'est un fucking soulier. Excusez. Ça, c'est, je m'excuse, là, les gens qui se sentent jugés, mais oui, je vous juge. Ah, mais vraiment, mais tu sais, je vous juge moins que les gens... Bon, chez Lids, mais quand même, tu sais, au moins. Oh, méchant. Puis la seule affaire que je juge plus que ça, c'est le monde qui change d'iPhone à tous les ans. Pour être honnête, même là, l'iPhone, au moins, il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un argument pour le changer à tous les ans. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est déjà obsolète quand. Tu sais, le téléphone intelligent, ça change vite. Ouais. Fait que tu peux dire que oui, tu veux que ça soit tout le temps dans le top, puis ça use vite comme machine. Tu sais, même là, je disais ça pour t'achaler, Mathieu, mais même là. Ça justifie assez rapidement. Tu fais une insulte, puis après ça, tu t'excuses comme beaucoup trop. Juste ben après oui, mais non, mais c'est ça. Mais c'était juste pour la blague, puis j'aime pas ça garder de mauvais sentiments, et surtout que t'arrêtes pas de m'écœurer avec mon Vaux. C'est lui qui en parle tout le temps. C'est lui qui en parle tout le temps. Ben ouais. C'est ça. Ah. Donc, fait que oui, c'est ça. C'est tout un concept. Ben c'est ça. Comme cette immense parenthèse un peu étrange était pour dire à quel point est-ce que le marché du soulier est étonnamment un marché florissant et clairement haut de gamme, on va le dire. Tu sais, vivant et avec une forte tendance là, ludique et autre que moi, là, comme je vous dis, ben, moi, je me promène avec des... présentement, j'ai mes grosses bottes Merrell là, extrêmement LED, là, mais avec des crampons en dessous et tout. Là. Est-ce que tu as glissé quand même? Parce que c'est ça que je me demande, les bottes. Non, les bottes Merrell, non. C'est je veux dire, y a la seule affaire qui grippe plus que ça, c'est quand tu as des vrais crampons en métal dessus. Mm-hmm. Là, des comme bottes toi, Mathieu. Moi, ouais, c'est ça. Peut-être falloir que j'ai des Merrell. Je sais pas, on va voir. C'est bref, non, c'est ça. C'est un endorsement. Je ne suis pas payé pour dire ça. Ça fait des années que j'ai tout le temps des Merrell l'hiver, puis bref. Mais c'est quelque chose dont on a toujours besoin, des souliers, veux pas, tu sais, t'iras pas te promener du pied, là. Non. C'est ça. Ceci étant dit, comme je dis, moi, c'est une affaire que personnellement, moi, mes souliers, c'est. Tu sais, mes souliers d'été, je prends les mêmes souliers de skate noir que j'achète depuis que j'ai 15 ans. Mm-hmm. La marque est secondaire, c'est ça. Le confort. C'est ça. Donc, ça reste que, comme je disais, même si moi, c'est une affaire qui est alien pour moi complètement, il y a beaucoup de monde que maintenant, l'achat de souliers, c'est quelque chose de ludique. C'est une fierté. Il y a même... J'ai vu, en fait, même... c'est Infoman qui parlait de ça, il y a une couple de semaines, qui avait une... je crois... Non, c'est pas partout de ça. C'était pas du tout, en fait. C'était aux États-Unis. C'était un... Parce que c'est le genre d'affaires qu'Infoman y envoie MC Gilles d'habitude pour ces trucs-là, mais non, c'est pas lui pour une fois. C'est MC Gilles, c'est comme l'enquêteur des affaires bizarres à Infoman. Il y a carrément des sneaker conventions, des genres de Comic-Con, mais pour les fans de souliers. Fait que la comparaison avec les figurines était pas mal exacte. C'est ça, pour vrai, là. C'est que ça devient les pièces de collection aussi à un certain moment. C'est ça, c'est ça. Puis il y a vraiment, il est rendu qu'il y a un marché des sneaker enthousiastes. Mm-hmm. Donc, Adidas embarque dans le même game. Ben Adidas oui. fait, entre autres, des souliers, je veux dire... Haut de gamme. Ils font partie des quelques marques qui ont encouragé, là, justement, toute la vague des sneakers enthousiastes. Tu sais, il y a les bons vieux Nike, il y a les Converse, puis il y a Adidas. Ouais. C'est pas mal les trois grandes marques. Ouais. Ouais. Les trois plus grandes marques là, de sneakers là, de collection. Donc, partout en Europe, ils ont des genres de boutiques concept artistiques là, qui essayent de se fondre avec le quartier, mais en même temps, en ayant vraiment, un peu comme les Apple Store, là, vraiment là, une expérience. Là, tu rentres en dedans, puis tu respires la Adidas. Ça sent le caoutchouc. Là. C'est ça. Là, t'sais, t'as même pas. Là, t'sais, ça emplit ton âme d'Adidas-itude. Bref, comme je dis, je m'excuse si j'ai l'air condescendant, parce que moi, pour vrai, c'est une affaire là, que je comprends tellement pas. Mais en tout cas, moi, mon frère m'a dit tout le temps que je m'habille comme la chienne à Jacques. Fait que, moi, c'est des affaires qui sont loin de mon... Elle a une belle personnalité, la chienne. Ouais. Oh mon Dieu. Mais c'est ça. Bref. C'est ça. Fait que là, c'était quand même une grosse affaire, parce que la boutique a été fermée pendant un certain temps pour faire toutes ces rénovations-là, pour refaire le concept au complet. Pour que ça suive plus ce qui se fait en Europe dans les boutiques Adidas, parce que je l'ai appris en faisant ma recherche pour cette chronique-là. Adidas, en fait, c'est français. Mm-hmm. Ah. Comme français de France. Ah ouais. Le designer principal d'Adidas, c'est un designer français. Eh bien, ça sonne allemand ou quelque chose, mais non. Ce qui rend d'autant plus étrange la nouvelle que je m'en viens discuter, c'est que lors de l'inauguration de la fameuse... Puis là, tu sais, je viens de parler pendant quasiment 10 minutes. Ça, avouez que les autres stations qui ont parlé de ça n'ont pas parlé de tout ce qu'on vient de dire. Là, c'est ça. C'était l'exclusif à nous, ça. Parce que je crois que l'importance, c'est le contexte dans cette histoire-là. C'est là qui vient ramener toute la beauté de cette histoire-là. Et ça me permet de parler moins longtemps du sujet de la viande, un peu, mettons, du bout de plus plate. Ben, de la viande, des légumes, mettons, de l'affaire. C'est ça. Ce qui se passe, pardon, c'est que lors de l'ouverture, le gérant de la boutique, le directeur de la boutique, je sais pas si c'est exactement son titre, mais en tout cas, le boss. Lui. Monsieur. C'est ça. Monsieur Adidas. Sir. Dit en français. Bon, là, je suis obligé de dire quelques mots en français pour accommoder les médias les médias, puis la loi 101, là, puis ces niaiseries-là. Et pour ensuite se mettre à parler en anglais tout le long. C'est les mots qu'il a choisi, pour vrai. C'est là, ça. Il a fait exprès pour faire parler de lui un peu, au moins. Probablement. Ouais. Probablement qu'on est en train de, comme à peu près tout le monde, genre le Journal de Montréal qui a parlé de ça, on lui fait plaisir présentement. Ben oui, parce que sinon, t'en aurais-tu parlé de l'inauguration de la nouvelle boutique Adidas, non, ça, dans le journal? En tout cas, pas moi. S'il y avait juste dit, je vais dire quelques mots en français pour commencer, blablabla, puis le reste en anglais, il n'y aurait personne qui... Ben oui, c'est ça. Et le reste de l'inauguration, c'est fait en anglais. Ouais. Donc là, tout le monde dénonce les propos de ça. Y compris le gouvernement libéral qui est présentement en mode séduction pour aller rechercher l'électorat anglophone, qui est tranquillement, pas vite. Et puis sûr que, parce que généralement, les anglo-québécois ont tendance à voter pour le Parti libéral ayant ben, t'sais, quand tu vois la politique provinciale en termes de PLQ versus PQ, si t'es un anglophone, le PQ, c'est généralement pas ton grand chum. Non, c'est ça. Donc, généralement, de facto, les anglophones votent pour le Parti libéral, mais là, dans ce temps-ci, ils ont des choix de plus. Fait que le Parti libéral est un peu en mode séduction dans ce temps-ci, donc là, malgré ça, Philippe Couillard est allé, qui est quand même un francophone, est allé dénoncer ça, puis dire, ben, c'est parce que c'est la loi 101, maintenant, tu sais, on est au Québec. Mm-hmm. T'as bien beau être au centre-ville de Montréal, qui est peut-être une des places les plus anglophones au Québec, mais ça reste que t'es quand même au centre-ville de au la moins deuxième, 50-50, ben oui. De la plus grande ville. De toute façon, ils pourraient pas punir là, pour ça, là, ils vont pas fermer la boutique. Non. Il va juste devoir faire des excuses à un certain moment, puis il va refaire parler de lui. Ben oui, et t'as vu aussi que les gens ont quand même fait la file pour aller à l'ouverture. Il y a pas eu de changement, il y a pas eu le boycottage, là, c'est pas très très utile dans ce cas-là. Non, ça a été des célébrités qui ont boycotté, mais qui ont appelé au boycott. Il y a du monde qui vont boycotter, il y a du monde comme moi qui n'y était déjà pas c'est pour ça. Y aller. De toute façon, je suis Nike, moi. Fait que c'est que puis ça a l'air anodin. Puis là, une affaire aussi, tu sais, justement, on parle du boycott, puis tout, Adidas, eux autres même. Puis là, rappelons que la c'est compagnie français. C'est français, puis c'est pas clair, en fait. C'est que là, j'ai dit ça, mais c'est pas clair. C'est que le designer principal est français. D'ailleurs, lui-même a seulement parlé anglais pendant, n'a pas dit un mot de français lors de l'ouverture, parce qu'il était là. Avec un petit accent, j'imagine, français. Ouais, ben là, ça, c'était pas écrit, mais oui, on peut très bien l'imaginer. La compagnie mère, Adidas elle-même, là, Qu'est-ce qu'elle a dit, Daos? On prit quelques jours à se revirer de bord pour finalement s'excuser en disant « ben c'est pas de notre faute ». C'est lui, c'est pas nous, on n'a rien à voir avec ça. Ce qui n'est pas nécessairement faux, mais c'est un employé d'Adidas quand même. C'est ça. Et, ben, tu sais, c'est qu'en fait, généralement, ce qu'on peut se dire, c'est, ben, pourquoi est-ce qu'Adidas ne sévit pas? Ou, c'est son redevable en tant que tel, c'est les boss. Tu sais, eux autres ont dit, ben, nous, d'habitude, on essaie de respecter la culture et les lois de où on implante des boutiques. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, ben, c'est un peu l'idée, justement, là, les concepts de boutique Adidas, c'est de tu respectes l'Adidas, mais en même temps, il y a comme des références à... Local, dans des références artistiques, visuelles, locales dans boutique, entre autres. Mm-hmm. Donc, t'sais, tout ça est un peu paradoxal, c'est un peu comme de dire, c'est pour ça que c'est important de donner le contexte, c'est que c'est un peu comme de dire que, ouais, OK, la culture du centre-ville de Montréal, c'est anglophone. Non, s'il y a de quoi, la culture du centre-ville de Montréal, c'est une culture... C'est tout le monde. ...plutôt bilingue, en fait, un peu cosmopolite. En fait, Montréal est considéré comme une des villes cosmopolites dans le monde. Ben oui, ben oui. C'est pas juste pour au Québec, là. Mm-hmm. Puis il faut aussi rappeler que c'est la plus grande ville francophone, avec des guillemets, à l'extérieur de la France, dans le monde, là, encore. Donc, tu sais... Il y a quand même un genre de patrimoine et de... Ah oui, c'est vrai, patrimoine, faut plus dire ça. Ça, c'est un autre affaire. Excuse-moi, oui. Ah, mon Dieu. Matrimoine. La semaine prochaine. Non plus. La semaine prochaine. Ben, en fait, égalez-moi. Ça, je vais le régler en une parenthèse, bien vite, en deux phrases. Je l'ai déjà dit en onde, je suis bien fan de Québec solidaire pour bien des affaires. En fait, je suis bien fan de la plateforme, mais ça, je trouve que c'est du niaisage. Oui. On s'en fait bien faire Dieu. Mon Dieu. Il y a du monde qui crève de faim pendant qu'on s'estime là-dessus. Puis c'est un peu le QS, c'est supposé d'être ça. C'est supposé d'être défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est pour ça que moi, personnellement, je crois en eux autres. Puis là, l'ostinage sur des mots de même, je trouve ça... Tu sais, la féminisation, aussi, en général, je comprends l'intérêt, là, mais là-dessus, là, patrimoine remplace... Hey, ça, c'est du niaisage. Excusez-la. C'est dit, hein? C'est dit. Les nouvelles sont couvertes. Fait que pour pas dire que je suis que je suis un vendu, non. des affaires de même, moi, je trouve que c'est des aberrations. T'es dans nos chroniques nuancées. On aime ça. Pour revenir au Adidas Gate, pourquoi c'est grave? Ben, OK, comme je disais, Montréal, métropole francophone à l'extérieur de la France, la culture locale, particulièrement dans le contexte où Adidas se vante que ses magasins sont un genre de mélange de la sous-culture Adidas avec la culture locale. Contrairement aux magasins aseptisés à la Apple, tous les magasins sont pareils. C'est ça, qui sont tous identiques. Vraiment... La c'est une affaire qui est drôle parce qu'Apple se vante de faire exactement la même affaire qui est un peu la marque de commerce de McDonald's. Ah, okay, c'est pas ouais, deux c'est produits que t'aurais vu coller ensemble. Non, non. C'est ça. T'as vraiment raison. Mais pourtant, ils font la même affaire. Tu rentres dans un Apple Store, tu le sais, ils sont tous pareils. Ouais. OK. C'est toutes les tables sont aux mêmes places. Ouais. Peu importe que tu sois à Place Laurier à Québec ou à Abu Dhabi dans l'Apple Store, cette table-là, c'est les iPad Pro qui sont là. Donc, c'est ça. Mais l'autre raison pourquoi c'est grave aussi, ben, c'est la mot à dire de loi 101. Ah, ben, c'est le respect en général. Ça, là, sérieusement, c'est de faire exprès pour manquer de respect. Là, Mathieu, tu en farges un peu dans ce que je m'en avais dit sur la loi 101. Mentir, ouais. Parce que, exactement, la loi 101, on en entend souvent des affaires. Il y a bien du monde qui... Bon, d'un côté, il y a souvent les péquistes qui s'énervent un peu le poil des gens avec ça, qui disent « faut la moderniser », ce qui n'est pas faux. Ça a quand même presque 40 ans, cette loi-là. Ça a été créé dans le temps qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas le contenu comme le... Excusez-la. Qu'il n'y avait pas le... tout ce qui est les services en ligne comme Netflix, Google, tout ça qui sont basés ailleurs dans le monde, donc qui ont pas trop de difficultés à éviter nos lois à nous autres, finalement pour question d'intérêt. Puis ça, c'est une chose que je vais rappeler. En fait, non, je vais y venir dans deux secondes. C'est ça. À quoi ça sert la loi 101? C'est que, en fait, bon, on a une situation un peu inédite au Québec, c'est-à-dire qu'on est 8 millions de francophones dans presque 300 millions dans une marée d'anglophones. Donc, ça nous demande certains arrangements différents pour être capable de vivre dans notre langue maternelle. Puis là, il y en a qui vont me dire, parce que ça, je me suis fait dire des fois, « Ouais, mais ça serait peut-être plus simple si à Mané, le Québec finissait par s'intégrer puis parler en anglais de tout le monde puis tranquillement, pas vite, s'angliciser. » Bon. La facilité de surface, oui. Par contre, ça, vous allez fouiller en philosophie politique. Puis justement, dans le système anglo-saxon, c'est fortement reconnu que la langue, qui peut sembler être de dire que tu veux défendre le français, ça peut sembler comme du gros nationalisme sale. Mm-hmm. Qui a dit ouais, ma culture puis tout. Mais en fait, la langue, ça structure comment est-ce qu'on réfléchit, ça structure comment est-ce qu'on vit aussi. On pense pas de la même façon, tu sais, ça il y a des études là-dessus. Notre cerveau est structuré par la langue qu'on apprend en premier. Notre langue maternelle a un statut particulier. Puis tellement que quand on parle une autre langue, ben ça change comment est-ce qu'on réfléchit. Puis on peut s'en rendre compte des fois. Mettons qu'on part en voyage puis qu'on parle beaucoup en anglais, ben on se met à un peu réfléchir en anglais pendant des bouts. Personnellement, moi, je le remarque quand je lis beaucoup pour mon mémoire. Après ça, quand je passe la journée à travailler sur mon mémoire, que tous mes trucs, tous les textes sur lesquels je me base sont en anglais, ben après ça, le soir, quand je lis mon roman en français, je le conçois pas de la même manière. On dirait que j'ai comme une espèce de repos, genre, qui me revient. Puis c'est un peu ça, c'est que on s'en rend pas compte parce que c'est des choses très, très diffuses, mais c'est quand même fondamentalement important, notre langue maternelle, c'est un peu comme notre oxygène en quelque part. C'est vraiment ce qui alimente comment est-ce qu'on réfléchit. Pareil comme on a nos pantoufles, ben c'est un peu la même affaire. Fait qu'on a le droit de vivre dans cette langue-là. Et comme je disais, étant donné la réalité démographique d'Amérique du Nord, ben faut à un moment donné prendre des mesures qui normalement sont juste implicites dans la plupart des pays. Vous regardez en Europe, premièrement, les Français sont en France beaucoup plus que nous. Puis ben ils sont pas dans un océan d'une langue identique. Ils sont dans... Il y a à peu près autant d'anglais juste à côté, juste à l'ouest. À l'est, ils ont les Allemands, ils ont les Belges qui ont... Allemands qui parlent allemand, les Belges qui parlent français aussi pour certains, flamands pour les autres. Ils ont l'Italie puis l'Espagne au sud. Puis là, vous prenez chaque pays, puis vous regardez, c'est la même affaire. Ils sont comme tout... Il y a comme un équilibre dans le sens que... dans ta gang, tu parles ta langue, puis dans les autres pays à côté, ben ils sont à peu près autant à parler leur propre langue. Puis quand t'as à te parler, ben t'as l'anglais qui est une bonne langue, qui est la langue des échanges présentement. C'est ça, on dit rien contre l'anglais. Non, c'est pas de caler qui que ce soit qui parle anglais. Comme je dis, j'essaye de pas de montrer comment est-ce que c'est pas juste du gros nationalisme de ma langue, mon patrimoine, puis tout. Parce que c'est ça, c'est que quand je dis que la langue structure notre manière de réfléchir, ben, ça structure aussi notre société. Mm-hmm. C'est un aspect structurel d'une société, une langue. Puis là, c'est pas une affaire que je sors parce que j'étais un nationaliste de placard. C'est une affaire que je sors de théorie assez cosmopolite, en fait. Ouais. De théorie qui... Il y a aucune théorie qui... Tu sais, même des théories qui disent qu'on devrait pas avoir de frontières dans le monde, qu'on est les citoyens du monde, puis tout. Ils savent très bien qu'il y en a eu une langue internationale, c'est l'espéranto. Ouais. ça n'a jamais pogné, non. Parce que c'est pas la langue maternelle de personne. Mm-hmm. C'est pour ça. Ouais. Mais ce qui est critiqué aussi, le problème en fait avec ça, c'est pas le fait qu'il ait pas parlé français, c'est ce qu'il a dit français. Oui, c'est ça, c'est que c'est le manque de respect. C'est ça. Mais c'est un genre de snobisme à un moment donné, dire que, tu sais, les francophones, on sait bien, ils s'énervent le poil de jambe avec leur loi 101, puis nanana, puis ils sont attention à eux. Pis... C'est ça, tu sais, ils sont émotifs. Non, c'est pas une question de ça, c'est une question de respect. C'est ça, tu sais, c'est une situation un peu, comme je dis, le Québec, on est une situation un peu inédite dans le monde. Puis il y a une fois de temps à autre, si vous lisez la Montreal Gazette, qui est le grand journal montréalais anglophone, qui est un journal de qualité sur bien des affaires, sauf que leurs éditoriaux, j'aime pas le terme, mais ils sont un peu... Des fois, ils partent un peu dans le Québec bashing, dans le sens qu'ils rapportent certaines choses avec une teinte un petit peu exagérée, à mon avis. Ils font un peu du sensationnalisme anti-francophone, mettons. Puis c'est un peu un snobisme de dire, on sait bien, ils veulent... sont racistes anti-anglophones, puis tout. Puis c'est pas ça. C'est que quand t'es anglophone en Amérique, t'as une ouverture... si t'es pas content de ce que t'es, s'il y a de quoi qui fait pas ton affaire, puis je dis, puis ils vont me répondre la même, ils vont me répondre, ben ça a pas d'allure, tu peux pas me dire une affaire de même, mais ils ont la possibilité d'aller dans 9 autres provinces au Canada où ça parle anglais, à part le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, mais tu sais, il y a des sections, il y a des grandes parties du nouveau, au moins la moitié du Nouveau-Brunswick qui est quand même anglophone. Tu parles aux États-Unis, tu sais, t'as ça comme opportunité. Quand t'es nord-américain, francophone, t'as pas mal le Québec. Fait que si au Québec, tu peux même plus vivre dans ta langue, ben t'es un peu batté, t'es obligé d'aller en Europe sinon. Puis là, ben, c'est un moyen d'éracinement aussi. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est un peu ça à m'amener d'essayer de trouver le vivre ensemble. Puis il y a personne là qui dit qu'il faut pas qu'il y ait d'anglophones au Québec. Non, puis c'est, là encore, c'est pas une affaire que juste moi je dis, c'est assez reconnu que la minorité anglophone au Québec, c'est une minorité gâtée, pas pire. Ils ont leurs propres écoles, ils ont leurs propres instances à eux-mêmes pour un paquet de raisons pour les accommoder dans leur langue. T'as pas ça en nulle part dans le monde, là. Une minorité linguistique dans une région qui a une grosse minorité linguistique, mm-hmm. qui a autant d'accommodement que mm-hmm. la minorité anglophone au Québec, mais si on a tendance à l'oublier. Ouais. Puis c'est que faut pas oublier qu'ils ont raison des fois quand même, qu'il y a quand même une certaine frange des Québécois francophones qui ont une méfiance envers les anglophones, mais parce oui. que c'est les anciens boss d'usine, c'est jusqu'à un certain point, si tu remontes aux années... pré-révolution tranquille, ben les anglophones étaient plus riches que les Québécois. C'était mm-hmm. souvent les boss des Québécois, ouais. Les boss des francophones et ainsi de suite. Puis il y avait cette relation-là, mais maintenant, il faut s'en sortir de ça. C'est fini, cette époque-là. Ouais. Donc, il y a une affaire à se parler des deux côtés. Donc là, vous voyez, parler d'Adidas, c'était une porte d'entrée pour parler de tout ça, ouais. qui était plus ma viande. Ben, quand je dis plus ma viande, plus mes légumes, là, mon bout de plat. Puis moi, une affaire quand j'entends du monde dire « Ouais, mais tu sais, ça coûte cher pour les compagnies, puis tout. » Juste pour donner un exemple, là. Tu sais, la compagnie n'a pas à se plier en quatre pour nanana, puis tout. Ben, d'un, ça veut mon argent, oui. Oui, comme parle minimalement dans ma langue, là. Tu sais, si je fais affaire, ben, il m'a donné un exemple. Mon téléphone, c'est un Samsung. Ouais. Il est fait en Corée, il est fait par des Coréens. Penses-tu que mon téléphone est fait en coréen à la base? Non, c'est ça. S'il était en coréen, je l'aurais pas acheté. Non, puis mm-hmm. les compagnies, aux États-Unis, il faut que ce soit en espagnol. Là, au Canada, il faut que ce soit en français. Je veux dire, c'est sérieusement, ça. C'est même ça, à t'sais. Plein d'endroits. C'est normal d'avoir plusieurs langues. C'est un bel exemple. Il y a une minorité linguistique ben oui. en espagnol. Ils se forcent pour avoir leur argent. Le Québec, les francophones au Québec, par rapport au Canada, mm-hmm. on a des beaux accommodements aussi. On va le dire, le Canada est considéré comme un pays bilingue. Mm-hmm. Puis pour cette raison, le Québec, on a quand même, tu regardes ça d'un point de vue, on est quand même pas si peu bien traité pour une minorité linguistique, ouais. là encore. Mm-hmm. Par contre, une des affaires, ben là, c'est que là, il y a toute l'histoire qui rentre là-dedans de, à l'origine, ça a été peuplé par, on était une colonie française, donc tout le monde dans l'histoire, la présence francophone au Québec, ben, est plus vieille que la présence anglophone dans à peu près dans tout le reste du Canada. Mais moi, ça, c'est des arguments que je trouve qui ont leur force, mais qui sont limités quand même, parce qu'on parle d'affaires qui se sont passées il y a 300 ans. Oui, puis en fait, les Amérindiens étaient là avant. Les Amérindiens étaient là avant. Puis tu sais, là encore, je suis le premier à dire que les Amérindiens, on les accommode peut-être pas encore ben, assez, puis on devrait en faire un petit peu plus pour eux autres. C'est ça. Ça, c'est toute une autre histoire que je n'ouvrirai même pas à porte parce que là, encore, je pourrais faire une chronique d'une heure là-dessus. Je veux dire, ils se donnent des cours de 45 heures à l'université qui font même pas un peu le tour de ça. Mm-hmm. Fait que la question. J'ai un bon ami qui a fait sa maîtrise en fait sur justement il l'a pas fini sur ces questions là puis c'est un casse-tête là, abominable là. Il a justement pas fini sa maîtrise parce que c'était trop gros. Trop lourd. Donc c'est ça pour dire que on le sait, à Montréal il y a du monde qui sont plus anglophones. On s'attend à ce que, tu sais, ça se peut qu'au centre-ville de Montréal il y ait quelques unilingues anglophones qui travaillent dans le détail, puis que ben ils sont peut-être pas fantastiques en français, mais tu sais, pareil comme à Trois-Rivières, qui est une ville très francophone, on va se le dire. Comme je disais, je travaille dans un commerce de détail, moi aussi, derrière une grosse multinationale américaine. Qui a un nom anglophone, ouais. Qui a un nom anglophone, que, ben, eux autres, c'est juste normal que tout se fasse en français. Mais ça arrive que même à Trois-Rivières, dans une ville très francophone, qu'on a à parler anglais dans l'exercice de nos fonctions. Il y a des touristes, il y a des anglophones à Trois-Rivières, mais ça oui. existe. Fait que de la même manière, un petit peu plus que... c'est ça. Tu sais, les Canadiens anglais convaincus sont fiers de vivre dans un pays bilingue. Ben, on demande pas à ce que vous soyez là, parfaitement bilingue, pareil comme on demandera pas à un Québécois francophone d'être parfaitement bilingue avec l'anglais, mais au moins de se débrouiller, d'être capable de. Ça marche des deux bords, ça, comme je dis. Moi, un francophone qui refuse d'apprendre l'anglais, de au moins un petit peu baragouiner pour... Tu sais, pas là d'être à l'aise dedans, là, juste d'être capable de communication de base avec ouais. un anglophone, ça m'écœure autant qu'un anglophone qui snob le français. Fait que, tu sais, c'est ça. Que peu importe nos points de vue sur la situation politique du Québec, je pense que présentement, ben, on vit dans un pays bilingue, ben, faut deal with it. Des deux bords, qu'on soit anglophone ou francophone. C'est moral, voilà. Comme ça, ça. C'est ça. C'était tellement bien dit. Ça porte à réfléchir. Hein? Bon, c'est pas ça que vous avez dit. Ensemble. C'est ça. Quand on a parlé de Adidas dans d'autres médias, c'était pas aussi détaillé le fun que ça. Avouez-le. Hein? Non, ben, ça a été. L'histoire a été sortie par le Journal de Montréal. Mm-hmm. Grand bien leurs en face. C'était une belle affaire à sortir. Par contre, le Journal de Montréal, sont pas connus pour faire dans la grande nuance. C'est pas vraiment ça leur forme. Hein? C'est ça. C'est de faire des détails. C'est ça, c'est les crapauds. Merci Sébastien Viertin. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredis matin, en début d'émission. Là. Si le Frima décide d'être plus coopératif la semaine prochaine, je ne serai pas en retard. Et la température. Je vais prendre plus tôt, en fait. Ah, je l'aime pas moi non plus. Je commence à prendre la bus une demi-heure plus tôt qu'avant. 15 minutes. Ouais, parce que, tu sais, transport commun, Trois-Rivières. Hein? Ouais, c'est ça. Là encore, on pourra faire une chronique là-dessus. Hein? Une autre demi-heure, facile. Donc, à la semaine prochaine, Sébastien. On prend une pause au retour. Il nous reste plein d'autres affaires. Hein? Il nous reste la chronique de Tania à faire. Oui. Et Alex Marchand s'en vient après ça. Donc, tout à fait. On va voir l'ordre de tout ça. Ça s'en vient. À son âge jusqu'à 10h. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage qui en ce mercredi 29 novembre 2017. Tania Baudin et Mathieu Plante avec vous. On s'en va en musique quelques instants à entendre Dyslexic Postcards. Voici Don't Call Me Babe. Merci. We'll be right back. dyslexique Postcards avec Don't Call Me Babe. À Assemblage Rocky, justement, je ne l'appellerai pas Babe, je vais juste l'appeler Clegg. Clegg. Tania Boulin, voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. Cette relation, quand même, de symbiose, toi et moi, on est tout le temps ensemble. Ben c'est vrai, je sais. Collègue, on est comme, on est comme un couple de travail. C'est ça, exact. C'est comme ça devenir team d'animation depuis 3 ans. Donc, Tania is gonna entertain you. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, vous savez, il commence à faire froid. Nos habitudes changent. On a des habitudes qui restent, par contre. Mais ça, ça veut aussi dire que ces habitudes-là qu'on fait à tous les jours, en temps normal, en plein milieu de l'été, peut-être que l'hiver, ça peut nous rendre malades. Ah, non. Oh, que oui, parce que là, vous... Je pense que c'est pas des nouvelles pour personne, là. Les parties de Noël, là, on dit tout le temps, c'est pas mal là que les microbes se transmettent. C'est vrai, on serre la main, on se câline, ouais. Exactement, donc on a peut-être des habitudes à pouvoir changer justement pour que pour sauver notre famille, là. Pensons-y. Ouais, là, la... que les poignées de main sont en premier lieu. Là. Exactement, la gastro, là, cet été, on pourrait essayer de réduire ça. Donc, il y a de nombreuses études, en fait, qui montrent que nos modes de vie influencent beaucoup la qualité de nos réponses immunitaires, c'est-à-dire notre capacité à lutter contre les infections. Et justement, on a des habitudes à essayer de proscrire si on ne veut pas tomber malade cet hiver. J'en ai quelques-unes pour vous. Il faut faire l'impasse sur le lavage des mains. Ben oui. Quand on sait que 80 % des microbes passent par les mains, on comprend très bien l'importance de se laver correctement et régulièrement. Alors, s'il vous plaît, avant de rentrer dans un party de Noël, mettez du Purel. Pour vrai. Puis le Purel, là, c'est vraiment un stand-by jusqu'à temps que vous vous laviez les mains pour vrai. Exactement. Okay. Pour pas tomber malade, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau avec du savon pendant au moins 40 secondes, OK? Ouais. Et là, il y a des endroits que vous pouvez prioriser justement ce lavage de mains-là. Donc, avant et après avoir mangé, avant et après avoir cuisiné. Si vous êtes du type à préparer vous-même le festin des fêtes, là, pensez-y, s'il vous plaît. Après avoir été aux toilettes, bien évidemment, je pense que pour la plupart... C'est quand même une normalité. Je dois quand même chialer un petit moment contre les centres d'achat qui ont pensé mettre un Purel à la sortie de chaque salle de bain. Ouais. Ça fait que les gens se lavent pas les mains. Exact. Ça marche pas, ça. Non. C'est pas correct. Les gens se disent « Ah ben, crime, je lave les mains, mais je peux... » Exactement. Pas de ma pente. Il faut aussi y penser après avoir touché un objet qui a peut-être touché d'autres personnes. OK, oui. Donc, une barre de métro. La buvette. Un ordinateur qu'on partage. Une poignée de porte. Mmh. Il faut pas devenir malade avec ça, là. Non, il faut pas virer sur le top. Mais il faut penser que l'hiver, ça peut se propager de façon beaucoup plus rapidement parce qu'on va voir plus de monde qu'en été. C'est vrai. Par la suite, mal manger. Ouais. C'est une habitude qui peut rendre votre système beaucoup plus à risque durant l'hiver. Donc, même si de mauvaises habitudes alimentaires, ça provoque pas nécessairement de maladies, ça les favorise fortement, surtout dans le temps des fêtes. T'sais, on dit souvent « Oh, je me sens pas bien, j'ai peut-être trop mangé au party hier, blablabla. » Bien, en plus des maladies graves, comme par exemple le diabète, le cancer, maladies cardiovasculaires, tout ça, bien, l'alimentation, ça peut causer certains problèmes sur le long terme. Mais aussi à court terme. Donc, il y a des maladies d'hiver qui sont reliées à l'alimentation. Et pour éviter les rhumes, les grippes et, par exemple, d'autres bibittes qui arrivent dans les temps froids, là, bien, il faut manger sainement. Donc, on va essayer de privilégier les fruits, les légumes, les protéines, les bons gras, donc les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Ah ouais, bon. Ouais, pensez-y. Wow. On va aussi essayer de prioriser tout ce qui est ail et oignon. Ah. Et vous allez essayer de boire beaucoup d'eau. Donc, si vous pensez à tout ça, même avant vos parties des fêtes, bien, vous allez avoir un système immunitaire qui va être beaucoup plus fort pour aller affronter tous ceux de votre famille qui ne l'ont peut-être pas fait. C'est ça, et c'est sûr que l'ail et les oignons vont de toute façon éloigner les gens. C'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, pensez-y, c'est une bonne idée. Ouais. C'est sûr que vous allez peut-être pas être apprécié du reste de votre famille, mais vous, au moins, vous allez être moins malade le lendemain. Mangez plus souvent du Libanais. Exactement. Ail, oignons, légumes. Tout à fait. Eh oui. On est toujours dans les habitudes qui peuvent vous rendre malade cet hiver. Dormir trop peu. Ben oui. Tu sais? C'est sûr. Allô, hein? Ça, on lève bonjour. La main. Bonjour! Les deux, on est là. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut faire avec, hein? C'est ça. Notre corps se régénère, ça se répare aussi durant la nuit. Et c'est pourquoi c'est important de faire de bonnes nuits de sommeil. Quand on parle de bonnes nuits de sommeil, je pense que c'est pas une nouvelle pour personne. Les gens sont tous différents l'un de l'autre. Ouais, donc 7, 8, 9 heures, ça dépend des gens. Exactement, mais sachez-le. Sachez le nombre exact d'heures que vous, ça vous prend pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et il faut être en forme pour pas attraper tous les virus qui traînent durant le temps de l'hiver. Donc, selon une étude qui a été publiée dans la revue Archives of Internal Medicine en 2009, les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit ont 3 fois plus de risque d'attraper un rhume que celles qui en dorment au moins 8. Wow, c'est rare que je dors 7 heures. Le vendredi soir, des J'essayais de calculer combien d'heures j'ai dormi hier jusqu'à ce matin. Hein? De 11 à 4,45, je sais pas combien ça fait d'heures. 5,45. C'est ça. Fait que non, on n'est pas dans le 7. On est désolé à tous les médecins qui nous écoutent. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux? On est en forme pareil présentement. Oui, ça va. Mais c'est sûr le que mur les... va arriver, par contre. C'est sûr et certain. Moi, je parle du temps des fêtes. Là. Je pense que c'est sûr que je vais pogner de coups. Claire. Par la suite, une autre habitude qu'on a le... On a l'habitude de faire, ben oui. En fait, qui peut augmenter nos risques d'être malade cet hiver ou dans cette période-ci, là, vraiment la période où il commence à faire froid, stressé. Oh. Eh bien oui. On n'y pense pas. Non, parce qu'on a une hormone à l'intérieur de nous qui est produite en réponse au stress. Et ça, c'est le cortisol. Et ça peut causer un affaiblissement du système immunitaire. Donc, le corps va devenir beaucoup plus susceptible aux agents infectieux, aux agents graves aussi et aux différents types de cancers. OK, on y va vraiment très exagéré. Mm-hmm. Là, on parle surtout de tout ce qui est infection. Donc, ça a d'ailleurs été démontré que les personnes stressées souffrent beaucoup plus fréquemment du rhume. Es-tu stressé, Mathieu? Peut-être, hein? Et toi? Donc, évidemment, pour essayer de vaincre le stress, il y a plusieurs sortes d'études, il y a plusieurs habitudes que vous pouvez prendre aussi. La méditation, c'est un bon truc. Ouais. La respiration, c'est un excellent truc aussi. La marche. La rétrospection aussi. Pensez à pourquoi est-ce que vous êtes en train de stresser. Posez-vous ça va pas te faire stresser encore plus? Ben, ça dépend. Si tu réalises que tu stresses pour absolument rien. Ouais, OK. T'sais, posez-vous les vraies bonnes questions. Ayez des amis qui sont là pour vous calmer dans vos stress. Oui, aussi. Hey, calme-toi, chose. Hey, ça va aller. Hey, hein? Yeah. Fais-toi pas que ça. Prends ton gaz égal. C'est ça. Ça va bien aller. Va prendre ton bain sur la lune. Tu meurs. Allez, vas-y, réveille. C'est ça, exactement. La tête de Watatata. Et la dernière habitude qui peut nous rendre malade cet hiver, qu'on a l'habitude de faire, mais qu'il faudrait peut-être changer là, à ce temps-ci de l'année, c'est rester confiné. Ah, chez vous, comme ben un ermite. Oui. L'hiver, on a tendance à se confiner pour se protéger, en fait, du froid. Ce qui est très mauvais pour nous, sachez-le, on est censé être habitué de pouvoir gérer ce changement de température-là. Donc, même lorsqu'il fait froid, c'est important d'aérer quotidiennement notre intérieur et de sortir prendre l'air frais. Oui. Tu sais, quand dans le temps des fêtes, là, des fois, vous êtes peut-être tapé 12 séries d'affilée, puis là, disons que vous avez 17 ans, 16-17 ans, là, votre père ou votre mère va dire, ben blame. Va donc prendre l'air. Va donc. Ben, t'as peut-être pas fou. C'est ça. Donc, aérer pour renouveler l'air de l'habitation, ça aide en fait à lutter contre la pollution de son intérieur parce que veut pas, si on est toujours à l'intérieur, qu'on n'aère pas, qu'on fait pas de changement. Et ça crée aussi des petites infections, et notamment les microbes, bien évidemment. Il faut ouvrir les fenêtres pendant au moins 10 minutes. Hein? Pensez-y, OK? Chez vous, ça? Oui. Ah ouais. Chez nous, pendant l'hiver, OK? De préférence, 2 fois par jour. Hein? Tout simplement pour faire le changement d'air. Okay. Donc, tu sais, il y en a beaucoup qui vont mettre de la pellicule dans leur fenêtre. Ouais, c'est ça. Pensez-y, laissez-en une qui n'en aura pas. Oui, ça se peut que ça soit un petit peu plus frais, mais ça va juste faire en sorte que vous allez être beaucoup plus réveillé, de un. Et de deux, votre air à l'intérieur va être régénéré. Okay. Donc, 2 fois par jour, c'est ça qu'on veut. Ça va coûter plus cher le chauffage? Ben, ça dépend. Ça dépend. Faut que ça se batte contre le froid. Ben, arrête-le ton chauffage pendant que tu vas ouvrir ta fenêtre. J'avoue. certain. Les microbes vont sortir à l'extérieur et la bonne air va rentrer à l'intérieur. Donc, deux fois par jour, pendant au moins 10 minutes. On s'entend si on peut pas le faire pendant 10 minutes parce qu'il y a une tempête de neige à l'extérieur, on comprend. Mais c'est important. Ouvrez la porte au pire le plus de fois possible que vous faites dans la journée. Mais il faut ce changement-là d'air pour que les microbes se changent aussi d'air et que vous ayez beaucoup moins de chances d'avoir une certaine infection ou un rhume. Eh ben. Voilà. Hein? La luminothérapie aussi, hein, je magasine ça, une lampe de luminothérapie. Oui, c'est vrai. Un petit peu plus tard dans l'émission, ouais. Si on a le temps, on discutera un petit peu de tourisme. Sûrement. Ben oui. Ça devrait. Ça va bien, les gens arrivent en retard aujourd'hui. Oui, on voit ça. Tout à l'heure, si tout va bien, Alex Marchand et sa chronique dans ma tête. Pour l'instant, on est dû pour une pause. Oui. On revient juste après. D'accord. À l'Assemblage Rock. Aujourd'hui. C'est fou 89.1 FM. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. En ce mercredi 29 novembre 2017, elle est Tania Bondaire. Et Mathieu Plante. Ah, oui, toujours en direct, toujours comme ça, ce mercredi matin, où le soleil commence à sortir. Mais c'est pas parce que le soleil sort que ça empêche les gens de tomber. Non, ça fait pas fondre la glace tout de suite. Non. Alex Marchand. Oui. T'as eu un accident ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Ben, c'est ça, je sortais de chez nous, tu sais, avec un entrain, une vigueur qui me traversait. T'as un coup de bonne humeur, tu gambades tout le temps. Exactement, j'étais prêt. Puis là, ben, tu sais, il y avait comme du sel dans mon entrée. Puis il y avait comme un trottoir en avant que lui, il n'y avait pas de sel. Fait que, ouais, les deux jambes m'ont parti par en avant. Oui. Au début, j'étais au-dessus. Parce que il y a des chars de parquet devant moi. Au début, j'étais comme au-dessus. Après ça, j'étais en dessous. Puis il y a comme un stop aussi devant chez nous. Fait que je te dirais que les automobilistes m'ont trouvé bien drôle. Ah ouais? Ah, tabarouette, ça a été plaisant. Fait que bref, j'ai mal dans le cou aujourd'hui un petit peu. Mais non, ça va bien, ça va bien. L'année passée, c'est ça. Ah, non, je me rappelle l'année passée, on se rappelle en mars, hein, je me suis cassé le bras. Il y avait un automobiliste qui avait arrêté pour regarder si j'étais correct. Quand je me suis levé debout, il est juste parti. C'est pas parce que je suis levé debout que je me suis pas cassé un bras. Hey, ah, c'est ça. Je me suis emmené quand même faire l'émission. C'était le temps. Hey, crème, souvenir, tu sais. Souvenir. Hey, shit. Oh. Bref, Alex Marchand, t'es là pour ta chronique dans ma tête. Oui, oui, oui. Mais par exemple, j'ai quelque chose à faire avant, par exemple. Pour éviter que les auditeurs qui sortent de leur maison, qui nous écoutent chez eux, se blessent, je recommande la marche du pingouin, Mathieu. Qui est en marche du pingouin, je veux pas dire que c'est bien en veston pour casser le monde avec sa tête. je veux dire de mettre son poids sur toutes ses jambes, mettons. Oui. Essayer de pas aller dans des côtes qui sont comme pas droites parce que c'est dangereux. Et ayez des bottes aussi. Hein. Pensez à Alex. Mettez un casque, des coudes, des protège-poignets, mesdames et messieurs. C'est la journée pour survivre. Sébastien, tantôt, nous a conseillé des bottes Merrell qui sont apparemment très bien cramponnées. Oh, excellent. C'est la journée pour aller s'acheter des bottes. Ah, ben, c'est bon ça. Ouais. En bas. Bref. Bon conseil, ça. Eh oui, clairement. Fait que t'es prêt? Oh, ben oui. Ben, on y va. Alex Marchand, c'est dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Yeah. Alex Marchand! Allô! Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête cette semaine, non? Ah, il y a plein d'affaires. La fixe session qui arrive, il y a des belles opportunités qui sortent. Ah, j'ai eu bien du plaisir, là, c'est le fun. Tu sais, j'ai commencé mm-hmm. DJ un peu. Là. Ouais. Là, ça commence à lever en plus. Ah, c'est ouais. Décembre, il y a des parties de Noël. C'est quoi, comment ça, parties de Noël, les mariages? Ouais. Puis il y a des petits partenariats que j'ai commencé à développer aussi qui commencent à bien fonctionner. Fait que non, c'est ça, je suis booké. Comment on trouve tes informations pour aller te booker?

Ouais. C'est pour ça qu'il est dans le pack de 4, justement. Pour être sûr que si au troisième, t'es pas encore malade, au quatrième, ça va se passer bien. C'est pour ça qu'il faut mélanger de la crème et des spiritueux. Exactement. Donc, tout ça pour dire qu'on passe au 10$. Ouais. Puis, le 10$, ça va être le vin Robertson Winery dans le Chenin Blanc. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans la chronique. Il est vraiment bon. Mm-hmm. Vrai, là, avec une salade, avec n'importe quoi, ça, c'est juste frais en bouche. C'est très franc. Très, très franc. Tu sais, faut pas s'attendre à une grosse profondeur au niveau de ce vin-là. Mais pour 10$, si vous mangez des poulets, sinon poisson ou encore en apéro comme ça ou une salade, des entrées, c'est quelque chose d'assez. Pas trop goûteux. Vous allez avoir. Exactement. Okay. Un steak, on oublie ça. Ça pourrait fonctionner si vous aimez vraiment le vin blanc. Ouais, mais c'est pas recommandé. Ouais. C'est un gros. Cabernet Sauvignon, super goûteux. Tu sais, là, ça va être bon. Une sandette. Et des vins, des cépages qui sont beaucoup plus goûteux et qui sont rouges aussi. Sont préférables avec des viandes comme l'agneau, avec le bœuf ou encore avec le canard. Là. Ok. Donc, t'as dit Robertson Winery. Oui, exactement. Chenin Blanc. Il est disponible dans les petits prix, dans toutes les bonnes SAQ. Cool. C'est là. Donc, on passe aux 15$. Donc, ici, on y va avec là, un vin qui est un petit peu plus cher, par exemple. Mais ça, c'est un beau cadeau quand même, un vin à 15$. Oui. Oui, exact. Mais là, c'est que j'ai arrondi un petit peu à hausse, par exemple, celui-là, parce que j'ai trouvé des produits assez exceptionnels. À partir des 15$, c'est là qu'on commence à faire comme wow! Ouais, hein? C'est exactement. Il y a des beaux produits en bas de ça, mais à 15$, on dirait que c'est comme le gap où t'es comme OK. C'est la ligne là, dans le sable. On est à quelque part. Mmh. Puis celui qu'on a découvert, c'est à peu près 2 semaines que je le connais. Il s'appelle les Halos de Jupiter. Wow, c'est cute. Halos de Jupiter. Un vin de. Je vais vous dire les cépages, par exemple, parce que je m'en rappelais à la base. Mais. Comme on a dit hier, moi aussi, il y a des affaires que je me rappelais dans le temps. Ouais. je me rappelais de l'affaire. Ouais, mais là, je t'en rappelle plus. Fait que ça compte pas. Ça compte pas. Là, je m'en rappelle, par exemple, parce que j'avais pris la peine d'ouvrir la page sur l'application SEQ, d'ailleurs, que vous pouvez aussi télécharger. Wow. Hey, mais vous pourriez que j'arrête. En plus, on t'en. Les enfants, j'en parlerai après, mais on t'en moyen de pression. Ça, arrête, c'est une belle tribune. Pourquoi? Oui, c'est parce qu'on veut vendre du pot. Toute une gang de pushers. C'est non, ça. Mais c'est parce qu'on est ici en négociation de convention collective présentement, puis les négociations vont pas très bien. Je pourrais en reparler après ma chronique. Ouais, ben faire c'est... un grand plaisir, puis en même temps, ben bon, c'est comme on me taper dans le dos. Donc, ça pour dire qu'on parle de vieilles vignes ici qui sont dans la côte du Rhône. Côte du Rhône qui habituellement font des cépages, si je me rappelle bien, qui sont un peu plus corsés. Si on est dans quelque chose d'assez léger, parce qu'on est en présence de très vieilles vignes, entre autres de Grenache, de Syrah et de Mourvèdre. Okay. Donc ça me donne un vin qui est quand même facile à boire, qui est pas trop goûteux, qui est comme vraiment à mi-chemin entre un vin corsé et entre un vin qui goûte rien. Comme à peu près tous les vins, mais là on est vraiment dans le milieu. C'est ça qui est plaisant, fait qu'avec tout ce qui va être poulet, avec tout ce qui va être peut-être même du porc, qui pourrait avoir une texture assez intéressante. On est encore dans le blanc, là. Non, dans le rouge. Dans le rouge. Ouais, okay. Exactement. Donc, ça, ce vin-là, je dirais, c'est assez exceptionnel. Puis, on a une texture moelleuse, là, tu sais. OK. C'est pas agressif, ça pointe pas d'un joue, ça pointe pas sa langue, ça pique pas. C'est comme, c'est vraiment juste. Wow. Genre avec un. Tu sais, avec un petit peu d'écho, là. Ça peut faire un son pour ce vin-là, oui. Parce qu'il dure en bouche, fait comme des spasmes. Des spasmes. Ah, des spasmes, bon, ça va bien. Buvez ça, vous allez avoir des spasmes. C'est dégueu. Magnifique. Exactement. Donc, Jupiter, le vin qui vous fait planer. Ah. On peut passer tout de suite au vin aux alentours de. Oh, vraiment, là, aux alentours, parce qu'on est. On défonce un peu, là. C'est vin aux alentours de 20. Il est à 23,40$, si je me rappelle bien. Il s'appelle le Aponte Reserva. C'est un vin de l'Espagne. Ça, il va falloir que vous allez chercher les Jupiter aussi. Hé, hey, je pense que je l'ai bu. Ça se peut. Il est emballé dans un emballage noir, là. Fort possible. Ben, je vais te montrer la bouteille. Je pense que j'ai déjà bu ça. Aponte 2010. Il y en avait d'autres avant. Il y a souvent des petits. Des petits dépôts, par exemple, dans le fond de la bouteille, il faut être au courant. Il faut s'attendre à ça. Peut-être avoir un petit ami vers les deux dernières coupes. Mais, un petit ami. Oui, j'ai déjà bu ça. Excellent. Donc, ça ici, le vin de l'Espagne dans le cépage, si je me rappelle bien. Je pense que c'est du Tempranillo ou du Grenache. Oui, c'est ça, Tempranillo, exactement. Donc, ça, c'est un cépage super confituré qui va avoir une belle profondeur en bouche. On a vraiment un petit bon tanin aussi, généralement. Mais c'est dans ça, puis Cabernet Sauvignon, je vous dirais que c'est vraiment l'équivalent en termes de puissance. C'est sûr que les arômes dégagés vont être différents. Aussi un peu, mais on a vraiment deux vins qui deux types de vins qui vont être vraiment excellents. Celui-là se distingue par, mon Dieu, sa profondeur, son goût, son équilibre. Le Aponte, honnêtement, en plus, c'est déjà emballé, donc ça se donne super bien en cadeau. Je dirais que ce vin-là, il en restera pas longtemps. Mon boss avait dit décembre, on risque de plus en avoir de la cuvée 2010. Écoutez, on a fait une dégustation il y a peut-être un mois de ça. On avait à peu près... Je pense qu'on avait 6 caisses en succursale, on en a vendu 5 pour un vin à 23$. C'est jamais vu. Hey, wow. À 23$, hein? Habituellement, les clients sont comme. Mais là, ils ont comme fait oh mon Dieu, putain, t'en prends 3. Ah ouais. Là, tu sais, c'était quand même, c'était impressionnant. J'avais rarement vu ça. Donc, le Aponte Reserva, excellent. En passant, tu vas nous envoyer les liens pour pouvoir les mettre sur la page Facebook. Oui, je ne pas sur ça. Sans problème. Ok, merci. Donc, pour l'auditeur et pour moi. Oui. Ben oui, évidemment. Donc, après ça, pour le prochain, le SP51, c'est un vin qu'on a essayé à peu près... Mais ça, on a fait une soirée SEQ. Je le trouve pas, par exemple. Je vais tout de suite sauter au vin à 100$, puis je vous reviendrai là-dessus. 100$? Oh oui, ça, c'est si vous avez un gros cadeau à faire ou un gros remerciement à faire. C'est une grosse bouteille ou c'est la même grandeur qu'une bouteille normale? Même grandeur qu'une bouteille normale. Ça doit être malade dans la bouche, ben cette affaire-là. Hein? Ça n'a même pas rapport. On est sur une autre planète. C'est clair que c'est un orgasme buccal. On dirait que j'ai jamais utilisé à job, ce mot-là. Oh oui. Ça, madame, c'est un orgasme buccal. Je vais me faire poursuivre pour harcèlement au travail. Tu devrais plus que ça fasse spasme. J'utilise l'espace, mais pas celle-là. Je vais me faire renvoyer, gang. C'est sûr que je vais me faire renvoyer. Espace buccal puis orgasme. OK, excellent. Donc, sur ces, ces commentaires, on a... en fait, je vais commencer par vous raconter un peu qu'est-ce qu'un Amarone. Parce que c'est un Amarone, en fait, de la Valpolicella. Le, de la Valpolicella. De la Valpolicella, exactement, ah ben oui, Mathieu. Ben oui, ben oui. Donc, en fait, c'est ça. Amarone de la Valpolicella, c'est qu'on prend 3 cépages qui sont le Corvina, Molinara, puis Medira. Je ne me rappelle jamais du 3e. Je suis désolé. Vous marquerez Amarone sur Wikipédia, vous irez voir les cépages. A-M-A-R-O-N? A-M-A-R-O-N, exactement. Puis, en fait, c'est ça. Ces 3 cépages-là vont être vinifiés une première fois. Non, excusez-moi, crime, je t'ai pas rendu là partout. Ils vont être premièrement cueillis. Ensuite, ils vont être déposés dans des caves sur des grandes plaques. Puis, mis les uns par-dessus les autres, en fait, ces plaques-là. Puis, ils vont avoir un petit espace pour que l'air puisse passer, en fait. Ça va être déposé justement dans des caves. Je pense que Tania a trouvé. Corvina, Rondinella. Molinara. Exactement, merci beaucoup. Fait plaisir. Puis ces 3 cépages-là ensemble composent le Valpolicella. Donc quand vous voyez une bouteille de vin qui est marquée Valpolicella, ça va être ces 3 cépages-là vinifiés une seule fois. Ouh, après ça, okay. On sauve tout de suite à l'Amarone qui est la méthode la plus poussée pour qu'on appelle la méthode Appassimento justement pour aller chercher le meilleur de ces 3 cépages-là. Puis justement, je t'ai rendu au bout où on est dans des caves où qui sont super bien aérées, ce qui permet de faire en sorte que le raisin va se concentrer en sucre, va perdre un peu de son eau, puis il va se concentrer aussi en saveur. Donc après ça, une fois qu'on le vinifie, on obtient un vin qui est extrêmement confituré, qui a beaucoup de profondeur, qui a vraiment un travail plus grand qui a été fait en arrière. T'sais, c'est comme un raisin vieilli un peu, c'est le même principe. On se rapproche quasiment du Porto, là. Oui, exactement. Presque. Ah, ça, le Porto, là. Notre faible. Ouais. Parce que c'est des vins, à la base, qui vont avoir un taux de sucre plus important, ce qui fait en sorte que les levures, une fois qu'ils vont être ajoutés, vont faire en sorte que le vin va devenir encore un petit peu plus corsé. Pas corsé, je veux dire, mais un petit peu plus alcoolisé. Donc, on est 14,5 à 15% d'alcool avec les Amarones. Puis, le vin demeure sucré quand même si les levures ont fait le travail de manger beaucoup de sucre puis de le transformer en alcool. Donc, quand même, c'est vraiment une concentration énorme en sucre dans l'Amarone. Mais ça vient donner beaucoup de goût, justement. Puis, on a la confiture, on a le goût du fruit qui est extrêmement présent. C'est très fruité. Exactement. Moins corsé. C'est corsé quand même. En fait, corsé et fruité dans le sens où les arômes vont être extrêmement fruités. Puis, il va y avoir le côté sucré un peu aussi. Mais tout est toujours bien équilibré parce que c'est des vins qui sont puissants, c'est des vins qui sont goûteux. Donc, tout va venir se créer puis ça va quand même être bon en bouche. Ça. Comme un jus, mettons, qui on prend un exemple, mettons, du Coke. C'est pas un jus nécessairement, là, mais c'est une liqueur. Sauf qu'il est très sucré, mais de l'autre côté, il est très acidulé. Mm-hmm. Fait que ça vient un peu équilibré, compenser, ça vient équilibrer. Puis c'est juste avant, c'est la coche avant que ça devienne dégueulasse. Ah, c'est ça. C'est exactement. Mais ils ont testé ça, justement, pour mettre le plus de sucre possible, le plus de goût, puis le plus de saveur sans que ça nous écœure, en fait, pour qu'on soit capable d'avoir une canette. Fait que, ils ont trouvé. C'est un peu ça aussi avec l'Amarone de la Valpolicella, mais on n'est pas dans autant de sucre. Là. C'était vraiment un exemple extrême que je viens de mettre. Sauf que c'est vraiment bien équilibré, fait que ça paraît pas malgré le fait qu'il y a un taux de sucre qui peut être important à l'intérieur de la bouteille. Donc tout ça pour dire qu'une fois que l'Amarone est vinifié, ben, il va rester une petite couche dans le fond de la barrique, en fait, qu'on va appeler le lit d'Amarone. Puis ce lit-là peut être utilisé pour ce que je vous avais parlé au début, la première vinification d'un Valpolicella, qui peut être embouteillé après avoir été vinifié, mais peut aussi être mis dans une barrique pour faire une deuxième fermentation avec les lits d'Amarone. Donc à ce moment-là, il va aller chercher les saveurs un peu de l'amarone qui va avoir laissé un petit peu de dépôt. Ce sera jamais aussi goûteux, aussi profond que de l'amarone, mais on va quand même aller chercher un petit côté supplémentaire intéressant, puis le petit côté fruité, le petit côté un peu plus profond de l'amarone. Puis on va appeler ça à ce moment-là un ripasso. Donc vous allez voir, en même temps, les prix grimpent au fur et à mesure. Ouais. Le Valpolicella qui ne trouve pas si cher, le ripasso qui est un peu plus cher, puis l'amarone va être hors de prix. Là, on est à 30 à 50 dollars. 30 à... Ça monte, ça finit plus de monter. En haut de 100 dollars, c'est le 8 en tout. Exactement. Okay. Exact. Puis ben là, à ce moment-là, justement, on a cette région-là. Je pense que c'est la Vénétie, d'ailleurs, qui fait ça en... Oui, exactement. Okay, dans le nord-est de l'Italie. Exactement. Donc, c'est vraiment des très beaux produits, généralement. Je vous recommande d'essayer les trois si vous avez du budget, éventuellement, si vous avez envie. Dans votre vie, mettons, sur la bucket list. Là. Exactement. Okay. Pour faire une idée, parce que c'est vraiment des très beaux produits, généralement. Puis tout ça pour nous amener à l'amarone de la Valpolicella, aux alentours de 100 $ dont je voulais vous parler, qui est le Marion, en fait, qui est une maison qui est assez réputée. Ils font des vins, je pense qu'ils font un Valpolicella, ils font un Cabernet Sauvignon, puis ils font un Amarone. L'Amarone qu'on avait dégusté était un 2012, je crois, qui avait été vieilli 2 ans dans un cellier. Puis on avait dégusté. Mais en même temps, il avait été acheté, puis après ça, il a été vieilli 2 ans. Mon Dieu. Ça n'a aucun rapport avec tous les vins que j'ai bu de toute ma vie, honnêtement. Et t'en as bu beaucoup, tu travailles à la SQDC. C'était la 10e bouteille qu'on ouvrait de la soirée. Oh! Ouais, on a pris des taxis. Donc, ça, mais tu peux voir, est détaillé à 93 $, ça vaut chaque dollar, puis la personne risque d'être très contente. Si on regarde le 2008, est à 615 $. Ouais, si vous avez extrêmement beaucoup de budget, je peux la recommander aussi. Oui, là, mais ouais, des bouteilles qui détaillent assez cher. Là. Mais c'est, si vous avez un gros cadeau à faire, quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose. OK, mais ça, la 615 $, c'est un 5 litres de vin. Ah, ouais, mais 5 litres de 2 litres. Ah, OK, quand même. Ouais, c'est clair. Mais il y a du monde qui achète de la Grey Goose en 5 litres. Hein. Ah ouais? Ouais. De 3 litres, là, pour vous donner une idée, là, le 1,5 litres 2005, c'est 106 $. Eh ben... Ouais. Ah non, c'est clair, c'est des grosses bouteilles. Mais bref, donc très beau produit, donc je vous le recommande. Puis c'est pas mal ça pour la chronique vinicole de la journée. Et voilà. Voilà. Merci. On aime ça, ouais, merci Alex. Alors, encore une fois, les liens sur la page Facebook pour qu'on puisse aller s'acheter ça, je pense. Oui, juste après la chronique, je t'envoie ça. Merci beaucoup. Tu voulais qu'on termine en parlant un petit peu de moyens de pression à la SAQ en ce moment? Ben oui, exactement. Il y a eu négociation, puis tout de suite après l'annonce de la création de la société SQC à la SAQ. Puis là, en fait, je tiens à mentionner que je suis pas. Je parle pas au nom de la SEQ, je parle pas au nom du syndicat. À titre d'employé. À titre d'employé, exactement. Puis, tu sais, en connaissance sommaire de la situation, je suis pas collé sur l'information. Je peux vous rapporter qu'est-ce qui se passe en succursale, par exemple. Mm-hmm. Vous avez des pyjamas, ça aussi. Exactement. Ah ouais, bon. Il y a certaines personnes qui portent des pyjamas, mais ça, c'est une méthode créative de faire les choses. Je pense que la SEQ. Ben, le SMB SEQ s'est inspiré probablement de la ville de Montréal. Ben, qu'est-ce puis certains employés comme les policiers, les ambulanciers qui portent des camos ou whatever. Donc nous en succursale, on est en jeans présentement pour justement faciliter les heures pour les employés de la SEQ vers la SQC, parce que la SQC qui est la société du cannabis, non la SCQ qui va être la société du cannabis du Québec, va être chapeautée par la SEQ. Donc présentement il n'y a même pas de pourparlers pour que le bassin d'employés de la SEQ puisse travailler aussi à la SQC, puisse avoir des transferts ou des trucs comme ça. C'est un des points qui est abordé en négociation présentement, c'est de ce que j'ai bien compris. Puis de l'autre côté, il va y avoir aussi les certaines conditions qui ont été qui sont plus dures à négocier, en fait, puis les boss sont extrêmement fermés. Donc on passe à la prochaine étape dans notre négociation, puis ça l'avance tranquillement, mais sûrement. Puis j'ai entendu dire que ça faisait réagir en haut de l'effet les moyens de pression. Je pense que ça fait près de 2 semaines. Surtout dans l'arrivée du temps des fêtes, hein. Ben sûrement. Oui, exactement. Qui est notre grosse période, soit dit en passant. Là, on fait une bonne partie du chiffre d'affaires à la SQ durant le temps des fêtes. Évidemment, bonne bouffe, bonne famille. Ouais, c'est ça. Qui dit se saouler la gueule avec du pain. Mais pas dit de même. Non, non, c'est sûr. Non, ouais, j'aurais dit que je ne parle pas au nom de l'SQ, c'est dans mon nom personnel. Est-ce que toi, ton pyjama, toi, à la SQ, non? Juste en jeans? Non, je vais en jeans. Okay. Puis comment que je file, ça dépend. Ça va être jeans noir ou jeans bleu. T'sais. OK. Parce que jeans noir, au lieu d'être discret, je vais y aller dans jeans noir. C'est ça. Je suis la normale, quasiment. Exactement. Je fais juste ça le dimanche parce que le boss n'est pas là, fait que ça vaut moins la peine. Ah, les patrons, eux, sont bien normaux. Hein, oui, exactement. Quelle histoire! Quelle histoire! Merci Alex Marchand. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, c'est toujours les mercredis oui, à 8h. À 8h, sauf la semaine dernière où j'ai dormi parce que ça m'est complètement sorti de la tête. Vis pas dans le passé, mets ton alarme, Dat. Ah ouais, c'est vrai. On écoute, tiens, d'habitude un vin peut avoir une petite saveur boisée. Oui. Oui. Donc on écoute Petit Bois. de Fanny Bloom, pas pire. On aime ça. Assemblage requis jusqu'à 10 ans. Petit bois, assemblage requis, on revient dans quelques instants. Assemblage requis aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour à Assemblage Requis, en ce mercredi 29 novembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on n'a pas David Ferron aujourd'hui, malheureusement. Mais non. Donc, pas de chronique du journal Zone Campus. Par contre, plus tard, dans une demi-heure environ, on va faire la chronique dans les coulisses de la Luître avec l'invité spécial Marc Lachance, qui va après ça rester pour sa nouvelle chronique à lui. Ok, oui. Une fois qu'il va s'être rodé un petit peu en faisant une chronique facile, comme le résumé du match de lundi de l'improvisation. On va pouvoir le mettre directement dans l'eau chaude avec sa propre chronique de choses humaines et de niaiseries. Oh, on des a... folleries humaines, on aime ça. Mais avant ça, on écoute The Bar Brothers. Voici It Came to Me. Ça, c'est fou! Au 89 FM. Spring, summer, and fall, and it came to me. Bar Brothers avec It Came To Me, assemblage requis. Maintenant, on va s'acheter des gadgets sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe ou ça ne devrait pas? On l'a, la chronique, on s'achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Okay, oui, qu'on a plein de choses à acheter. Mais avant d'acheter des choses, on va parler un petit peu de consommation. Ah ouais? Pas de cannabis. OK. Pas d'alcool? De cannabis. Non plus, on parle de produits. Oh, consommation de produits? Oui, on dit que 72% des consommateurs, là, on est en France, mais oui, quand même, ça s'applique un petit peu partout, qui sont prêts à envoyer des cadeaux de Noël à leurs proches plutôt que de les donner en main propre. Mais voyons, non. Ouais. Pourquoi? 71%, oui, des consommateurs français se disent extrêmement ou très heureux d'offrir des cadeaux de Noël selon une étude effectuée par FedEx Express. La façon dont ils envisagent de le faire cette année montre une évolution de leurs habitudes au cours de cette période décisive de l'année, liée en partie aux achats en ligne. Donc, les consommateurs, dans leur majorité, sont généralement enclins à envoyer des cadeaux de Noël à leur famille ou à leurs proches, et près d'un tiers, soit 31%, prévoient le faire cette année. Le sondage montre que le facteur principal qui pousse les gens à envoyer un colis plutôt que de le remettre en main propre est la distance. Ah ouais, mais là, c'est oui, là. Selon 63% des personnes interrogées qui prévoient d'envoyer des cadeaux de Noël par voie postale cette année, 24% indiquent qu'ils le font pour surprendre leurs proches. OK. 12% affirment que cela fait partie de leur tradition. Et 10% d'entre eux précisent que c'est un moyen de gagner du temps. Et finalement, 5% le feront pour économiser de l'argent. Ah bon? Parmi les résultats notables, on constate que les répondants sont en général plus nombreux à envisager d'envoyer des cadeaux aux membres de leur famille proche, comme leurs enfants, on parle de 29%, leurs parents, 27%, et leurs frères et sœurs, 23%, qu'à leurs amis proches, 18%, et leurs familles plus éloignées, comme leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, à 15%, et leurs grands-parents, à seulement 10%. De plus, 26% des Français ayant indiqué qu'ils enverraient des cadeaux de Noël cette année déclarent qu'il serait hors de question de remettre un cadeau en main propre, mais à une date ultérieure à Noël, ça se fait pas. Ils préfèrent être dans les temps plutôt que de donner les cadeaux en main propre s'ils ne peuvent pas concilier les deux. À la période précédente, Noël est la plus chargée de l'année, bien sûr, pour les entreprises de distribution express. Les volumes sont générés par la croissance du commerce électronique. Les plus fortes augmentations de la demande se produisant les lundis, nous dit-on. FedEx prévoit qu'un nombre record de colis transitera par le réseau mondial de l'entreprise pendant la saison des fêtes 2017. Des volumes compris entre 380 et 400 millions de colis sont attendus sur toute la durée de la saison, sachant que plus du double du volume quotidien moyen est attendu lors des trois lundis de cette période. Continuons avec un décapsuleur ultime. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, OK, je prendrais bien une bière. Hein? Oui. Ou des fois, je prendrais bien deux bières. Oh my God. Est-ce que tu prendrais six bières en même temps? Pas en même temps, non, je suis désolée. Mais avec des amis, imagine le temps que tu vas sauver en ouvrant six bières en même temps. Ça, c'est sûr. Vous êtes six autour de la table, t'ouvres les six, that's it. Tout le monde gagne, tu sais. Donc, le décapsuleur qui s'appelle le 6 over 1, l'accessoire parfait dans cette situation où tout le monde a soif. Hein? Un décapsuleur qui permet d'ouvrir six bouteilles en même temps en un seul geste. Accessoire qui fait l'objet pour quelques jours encore d'une campagne Indiegogo. C'est 25 US plus les frais de livraison attendus pour bientôt, en fait. On parle du mois prochain, donc au mois de décembre, tiens. Au mois de décembre, ça devrait s'en venir. Le 6. Over One, ils ont réussi à atteindre leur budget 175%. Donc, ils demandaient 2 000 $, ils ont réussi à avoir 3 500 $ US. Ensuite, le quin. Le quin. Qui est le portefeuille qui trie automatiquement votre argent. Oh, c'est bien. C'est facile ça. De trier de l'air. Ben ouais. Oh, quelle bonne blague. Merci. Quin est avant tout une start-up créée par 3 entrepreneuses féminines de Singapour. Ces dernières se sont fixées pour mission de concevoir des outils qui permettent donc d'améliorer notre vie en éliminant de petits désagréments de tous les jours qui n'intéressent pas les grands industriels. Donc, le portefeuille Quin. Kin s'intéresse au tri entre les billets et la monnaie. Et au lieu de devoir nous-mêmes effectuer la séparation dans une gymnastique digitale, ouais, le tri est effectué naturellement. Même si peu de détails sont partagés à propos du fonctionnement du Kin sur sa page Kickstarter, il semblerait que le choix des matériaux et la couture du portefeuille permettent aux billets de rester dans la poche centrale alors que les pièces, elles, glissent toutes seules dans une autre pochette. Sachez qu'il reste encore quelques jours pour aller vous procurer ce Kin. Les demoiselles espéraient 4 000 $. Elles ont pu ramasser au-dessus de 60 000 $. Donc, ça va très, très bien. Et la vidéo aussi, ça ne montre pas grand-chose du processus, là, mais les scènes, les pièces de monnaie coulent vers leur propre compartiment. Comme un tamis, si on veut. On aime ça. Ensuite, quand tu es en voiture, Tania, ça t'arrive d'aller te chercher du restaurant, des petites croquettes de poulet, des trucs comme ça. Ouais. Ça peut arriver. Et là, tu sais pas où mettre ta trompette. parce que tu veux pouvoir conduire en même temps. Ben oui, tu manges ben oui, croquettes. Clairement. Évidemment, tout le monde fait ça. Ça s'appelle le Dip Clip pour changer votre vie. C'est une clip qui s'attache à votre aération de voiture et ça vous permet de mettre votre trempette pour tremper vos frites ou vos croquettes dans de la sauce barbecue, de la sauce miel moutarde, aigre douce, peu importe. C'est fait en plastique ABS. Donc c'est ça, le design est fait pour fonctionner avec la plupart des distributeurs de petites trempettes de restaurants fast-food. C'est disponible sur Kickstarter pour 10$ US. C'est très drôle. Pas pire quand même. J'aime bien l'idée. Ensuite, on parle de bouteilles d'eau. Tu sais, ouais. Des fois, les bouteilles d'eau, faut que tu les ramènes à la maison pour les nettoyer. Ouais. Il peut y avoir des microbes là-dedans, surtout si tu la laves pas pendant plusieurs semaines. Mm-hmm. Ben, il te faudrait peut-être une bouteille d'eau qui se nettoie elle-même. Okay. Tu peux voir aux bouteilles d'eau sales et puantes une fois pour toutes en passant à la Self-Leading Water Bottle, un design à double isolation qui garde votre eau bien froide. Ça vient avec une lumière UVC qui neutralise jusqu'à 99,99% des microbes et de ce qui cause l'odeur. Bien, hein? Ben oui. C'est par la compagnie Quartz. Ensuite, on a des souliers Adidas. On a parlé d'Adidas avec la controverse de langue récemment. Eh bien, Adidas qui sort des souliers pour l'Octoberfest et ça peut repousser la bière renversée. Ouais. La fête préférée des Allemands. J'ai donc, vu ça. Octoberfest, c'est les Adidas München qui sont similaires aux Adidas normaux avec trois bandes dessus. C'est un design basé sur les Lederhosen traditionnels japonais qui sont très populaires lors des Octoberfest. Et ce qui est encore plus cool, c'est que c'est fait avec un revêtement qui repousse l'eau et plus important encore, la bière. Mm-hmm. Donc vous n'allez pas gâcher vos souliers. Ça coûte quand même assez cher. On parle de plus de 200€ sans la taxe et les frais d'envoi. Il en reste quelques grandeurs en stock, nous dit-on dans l'article. Ça part assez rapidement. Ces beaux souliers-là sont vraiment cute. C'est clair qu'il y en a plein qui l'ont acheté. Ils sont noirs et or. Ouais, très beau. C'est classe pas mal. Ensuite, des fois quand tu te promènes, tu manques de Wi-Fi. Oui. Tu te dis, bon, je veux pas gaspiller ma connexion LTE. Non. Et là, en plus, ils mouillent. Ouais. Ça n'a aucun rapport, les deux tellement ensemble. Tellement pas. Mais tu peux quand même les combiner avec le Wi-Fi Umbrella. Oh boy. Pour transporter ton Wi-Fi partout où tu vas. J'irai où tu iras. Purple Rain. Purple Rain. Purple Rain. C'est pas une chanson de Prince? Ben oui. Donc, c'est le... Ils n'ont rien inventé. Rien inventé. Le parapluie le plus intelligent au monde, qui fonctionne comme point d'accès Wi-Fi, vous donne une connectivité parfaite, peu importe où vous êtes. Ça scanne et ça se connecte au réseau Wi-Fi dans votre environnement. Et ça booste le signal utilisant la technologie Connected Canopy. C'est une connexion parfaite partout où vous êtes. Voilà. Ensuite de ça, quand tu veux envoyer des insultes à quelqu'un, des fois, t'aimerais ça pouvoir lui lancer une balle, un ballon, ouais. Quelque chose de lourd, un pot. Quelque chose? Ouais. Ben imagine, tu peux lui envoyer une balle qui lui envoyait des insultes parlées. Oh mon Dieu! Rendez vos insultes encore plus percutantes avec la Swear Ball. C'est une balle de peluche molle qui cache un petit module sonore à l'intérieur pour enregistrer plus de 20 secondes d'audio, peu importe ce que c'est, qui va être livré à la personne lors de l'impact. Huh. Genre, tu lances la balle et ça dit « Maudit moron! » On aime ça. Pour 30$ canadiens. J'en veux une. Swear Ball, c'est pas pire. C'est très bon. Et leur slogan est parfait, je le traduirai pas. Give a flying fuck. C'est malade. Ensuite, Noël apparemment s'en vient. Hein? Dans un petit peu moins d'un mois. Et vous voulez mettre une étoile sur le sommet de votre arbre, mais vous trouvez ça vraiment quétaine de mettre un, je sais pas, un ange ou quelque chose de vraiment, une référence religieuse, on s'entend. Et moi, ma religion, depuis toujours, c'est Super Mario. Hein? OK. Donc, pourquoi ne pas mettre l'étoile, le Starman de Mario, sur votre arbre? Hmm. Vous êtes un grand fan de Nintendo, pourquoi pas? Ben oui. Hein? Donc c'est le Star Topper, ça coûte 20$ US. Super joli, tout à fait fidèle à l'étoile qu'on connaît tous. Il y a d'autres thématiques pour vos décorations de Noël de Mario, Zelda et Pokémon, entre autres, sur assemblagejockey.com. Si vous cliquez sur le lien, et vous pouvez avoir un petit rabais aussi sur Thingy en utilisant le code qui est dans l'article. Donc assemblagejockey.com. Mignon. Ensuite, on continue dans ce qui est mignon, hein. Même si c'est supposément assez laid, oh, c'est le Sexy Ugly Christmas Sweater. OK. On connaît tous les chandails de Noël vraiment affreux. Ouais. Ugly Christmas Sweater. Celui-là est supposé être sexy. Pourquoi? Parce qu'il y a l'imitation d'un saint. Franchement. Pour imiter un nez, petit rein au nez rouge. Donc, imaginez, le sein de la femme est remplacé ou couvert d'un tissu couleur, bon, traditionnellement peau caucasienne. Et t'as un nez rouge, des yeux wobbly eyes et comment on appelle ça, la couronne autour verte. Et ça... Attends un peu. J'avais pas lu celui-là. J'avais pas lu l'article. je dois m'excuser tout de suite. Ouais. Le chandail laisse la peau du sein exposée. Ouais. Exactement, c'est celui de la personne. C'est encore pire. Je... Non. Non. 70$. Hey boy. Wow. Parce que ça a pas l'air de son sein du tout, je trouve. Non, c'est vrai. On dirait du feutre. Oui. Je sais pas. Bref, la confusion. Hein. Ensuite, tu sais, quand on joue à des jeux vidéo en réalité virtuelle, on a l'impression, et c'est vraiment, je sais pas si t'as déjà vécu ça, si t'as déjà joué à un jeu de réalité virtuelle. Non. Quand tu mets les lunettes, oui. T'es dans le monde et tu sais pas où t'es, tu vois pas oui. le monde autour de toi. Donc, s'il y a un bureau, une chaise, une personne, tu sais pas. Et quand t'avances, ça se pourrait que sans faire exprès, tu fonces dans quelque chose. Oui, ben oui, clairement. Les jeux de réalité virtuelle vont essayer de mettre un petit mur en genre de filigrane, des petites lignes des fois quand t'approches trop de quelque chose. Bon, ok, cool. Mais ça, c'est encore plus cool. Le Virtual Reality Gaming Treadmill, c'est un tapis roulant. Ah. Pour encore plus d'immersion. Donc, pendant que tu es sur la plateforme, qui est en forme d'hexagone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à, peu importe, un hexagone quelconque. Un polygone quelconque. Ben, je pense qu'il y a 8 côtés. Je pense que oui. Bref, peu importe, mais t'es là-dessus. Et c'est un tapis roulant, donc ça va surveiller tes mouvements pour que tu puisses marcher, courir, te pencher, t'agenouiller et sauter en temps réel sur la plateforme. Ah, c'est bien. C'est vraiment cool. Évidemment, tout ça, ça s'achète. Ben oui, c'est sûr. 5 000$ canadiens. Oh là là! Ouch. On repassera le cadeau de Noël, OK? Ouais. On a parlé il y a quelques semaines d'une arcade qu'on pouvait installer sur le mur tellement elle était légère. Oui. Maintenant, c'est encore plus léger. On peut le mettre dans sa poche. Oh. Les fans de jeux rétro, par exemple Pac-Man, Miss Pac-Man, Space Invaders, plus tard Galaxian s'en vient aussi. Donc on peut amener ces arcades des années 80 partout où l'on va, sans aucun 25 cents, parce qu'en fait, le 25 cents, c'est à peu près la grosseur de l'écran. OK. De ces mini-arcades-là qu'on peut mettre dans sa poche. OK. C'est cool, hein? C'est fait en l'honneur des designs des années 80. Assez petit pour mettre dans sa main. Écran haute résolution, éclairé par l'arrière. Son authentique, joystick, deux boutons qu'on peut contrôler avec deux doigts ou sinon le pouce. Il y a un clip pour le porte-clés. Et on peut commander le jeu de son choix parmi ceux que j'ai dit tantôt. Il y en a plusieurs. C'est sur assemblagerequis.com encore. C'est vraiment très, très, très, très cool. Hmm. Pac-Man, Miss Pac-Man, Space Invaders, Galaxian. Wow! Ensuite de ça, on a des lunettes, je dirais comme des jumelles, qui vont permettre aux personnes qui sont daltoniennes de vivre. Évidemment, là, c'est en train de se terminer, mais il y a des endroits en Amérique du Nord où il y a encore des feuilles d'automne quand même. Donc, c'est pour leur permettre de voir les couleurs de l'automne. Ah, OK. C'est dans les Great Smoky Mountains, où il y a un kaléidoscope de doré, de rouge et de jaune. Les visiteurs de partout dans le monde se rendent là-bas pour voir ce spectacle-là des feuilles automnales. Et les gens qui sont daltoniens, selon l'Associated Press, au Tennessee, on offre des jumelles donc spécifiques dans la forêt pour pouvoir voir, même si t'es daltonien, les différences entre les couleurs dans toute leur gloire. Donc ces nouvelles lunettes-là, ou ce genre de, je sais pas vraiment des jumelles, peut-être pas un télescope, mais ça ressemble. C'est dur à déterminer qu'est-ce que c'est comme nom, là, mais ça coûte 2 000$ US chaque. Ça a été installé déjà par le Tennessee Department of Tourism Development au Ober-Gatlinburg Resort et à quelques autres endroits près de l'autoroute. Donc c'est fait de la même façon que des lunettes qui ont déjà existé pour la vision rouge-verte là, des daltoniens. Mm-hmm. Donc c'est ça, mais dans quelque chose de plus gros qui est fait pour voir plus loin, pour pouvoir voir la forêt. C'est vraiment cool, comme idée. Ouais. Ensuite, justement, parlant de daltoniens, on a quelque chose un petit peu plus près de nous, un petit peu plus facile à acheter, en fait. C'est le i2TV HDMI Dongle qui va corriger les couleurs de ta télé si t'es daltonien. Oh! Ouais, donc c'est un dongle, un adaptateur qui se branche dans la télé et qui ajuste les couleurs en temps réel pour compenser pour ce que les daltoniens peuvent pas voir. Donc ça s'assoit entre la source et ta télé, donc entre, mettons, le distributeur... C'est comme une prise, finalement. C'est ça. C'est comme un entre-deux, là. Mettons, entre ta boîte de Cogeco, Bell, peu importe, et ta télé. Et ça va altérer, ça va changer le signal en temps réel. Il y a différents niveaux de correction pour accommoder différents types de daltonisme. C'est pas tout le monde qui a le même problème. Et les gens qui ont une vision normale, apparemment, verront pas tant la différence. C'est vraiment fait pour les daltoniens. Ah! On a une petite image dans l'article qui montre comment les couleurs peuvent être plus vives pour faire la différence. Bref, ça utilise la technologie qui s'appelle iTech, qui est un processus mathématique basé sur la recherche de l'université de East Anglia. Ça a été transformé, donc c'est passé du laboratoire à un vrai produit grâce à une compagnie nommée Spectral Edge. Vous pouvez vous procurer ça, le i2TV Adapter, pour 50 livres, environ 74$ US sur leur campagne Kickstarter. En date de l'article, ils n'étaient pas encore rendus à leur but. On va aller voir où on est en ce moment, vraiment loin encore. Financement, ah, financement annulé déjà. Ah! Ah, Maud t'as dit, mais sûrement qu'on va voir quelque chose de similaire. Non, mais encore sur Kickstarter plus tard. Il va peut-être falloir qu'ils trouvent un petit quelque chose de plus ou peut-être vendre ça de façon à dire que même les gens qui sont pas daltoniens vont voir une petite différence dans les couleurs plus éclatantes ou quelque chose comme ça. Parce que j'avoue que les daltoniens, c'est pas très très nombreux. Hein? On reste dans le même domaine. En fait, j'avais fait un petit bloc thématique daltonien avec l'application Red Stripe qui aide justement ceux qui sont daltoniens rouge-vert à faire la distinction entre les deux couleurs. Ah, c'est bien. Ouais. Donc, ça, dans le fond, le Red Stripe utilise la caméra de l'appareil pour voir les objets en question et ça va mettre des lignes par-dessus les objets qui ont du rouge à l'intérieur. Genre des petites lignes en diagonale, si on veut. Plus il y a de rouge dans l'objet, plus les bandes vont être intenses dans l'application. On dit que il y a plein de détails sur le daltonisme, là, qu'une personne qui a une déficience en rouge-vert peut quand même voir le bleu et le jaune, donc les bandes vont faire la distinction entre deux objets avec des barres grises, bref, ça commence à être compliqué. Mais l'application Red Stripe est disponible sur iOS et sur Mac. La version iOS coûte 5$, même chose pour la version Mac, tiens. La version iOS qui est sûrement plus utile que la version Mac, étant donné que tu peux aller sur le terrain. Quoi qu'avec un Mac, tu peux avoir ta caméra webcam et virer ton ordinateur pour pointer vers l'objet. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Donc, allez-y avec la version iOS pour commencer. Ensuite, quelque chose qui moi m'a quand même assez intéressé cette semaine, c'est de voir des petits collants qui sont faits pour être collés subtilement sur quelque chose pour faire tenir autre chose. Donc, c'est par la compagnie Scotch. Ça s'appelle les Clear Removable Mounting Squares. Mm-hmm. Donc, c'est comme un genre de croisement entre du papier collant à double côté et du papier collant normal. Donc, c'est très, très collant et ça tient sa forme. C'est presque totalement invisible. Et quand tu veux mettre, par exemple, un fil et lui faire suivre un chemin, à la place de mettre une moulure tout le long, tu pourrais mettre ces petits autocollants-là et ploup, juste le mettre dessus. Donc, ça pourrait être bien. Et tu peux faire un petit sandwich donc entre deux affaires pour venir les coller ensemble. Vraiment une très bonne idée. Donc, les Clear Removable Mounting Squares. Continuons avec un étui pour iPhone. Mais tu sais, un étui pour iPhone, bon, c'est le fun, c'est beau, OK, c'est du cuir, c'est doux. Mais est-ce que tu peux ramasser des poils avec? Non. Des poils? Non, tu peux pas. C'est pour ça qu'il te faut l'étui à iPhone qui est aussi une brosse à poils. C'est incroyable. Donc, c'est une compagnie qui s'appelle Stitch Products qui vient d'annoncer son premier produit sur Indiegogo. C'est un étui pour iPhone qu'on peut utiliser pour enlever les saletés, les poils. Les poils, c'est jeans, là. Poils de chat, poils d'humain, peu importe. Oh mon Dieu, j'aime ça, je veux ça. C'est fantastique. Donc, ça montre sur la photo que c'est en cuir en dessous et en haut, c'est la partie brosse. Donc, t'as quand même le feeling de quelque chose de fun dans tes mains et non pas juste du rugueux. Un produit bizarre, mais je pense que tout le monde en aurait besoin. C'est ça, c'est sur Indiegogo, pardon, pour $25. Ça s'appelle Stitched, S-T-I-T-C-H-E-D. J'aime vraiment ça. Ils ont 49% de leur objectif d'atteint. Sur $20,000, ils ont seulement 9833. Il reste encore 8 jours, par contre. Donc, dépêchez-vous d'aller donner votre argent pour Stitched, le premier étui pour iPhone, qui est aussi une brosse à poêle. Ensuite, on a parlé il y a quelques semaines de l'Amazon Key, le truc où tu pouvais donner l'accès à ta maison à Amazon pour qu'ils viennent livrer ton paquet à l'intérieur, ton colis. Maintenant, on a BoxLock, une solution qui, selon eux, est meilleure qu'Amazon Key, une meilleure idée. Ça s'appelle BoxLock, c'est un cadenas particulier qui donne au livreur la possibilité de mettre votre colis dans la boîte sans la possibilité d'entrer dans votre maison. Donc, le cadenas ne s'ouvre que lorsqu'il est utilisé pour scanner le code-barre du paquet, du colis. Ça va lui donner l'accès à la boîte. Évidemment, tu peux mettre la boîte que tu veux, un coffre, quelque chose. Sur Kickstarter, pour $129 en ce moment. On dit que tu peux sinon laisser un cadenas ouvert, détaché, à côté de ton coffre. Ah, ben oui. Et dire au livreur, quand il arrive, qu'il met le paquet dedans, qu'il barre le cadenas. Ça coûte rien pantoute. Tu peux aussi passer à l'endroit où il va te laisser ton colis. Ouais, tu peux aller au bureau de poste, mais là, à un moment donné, il faut aller à la pharmacie. C'est fermé après 9h, puis c'est pas... Mais pourquoi lui, il faudrait qu'il fasse genre une consolidation pour... L'accommodement de barre un cadenas, hein? C'est vraiment, là, je te demande vraiment la job du siècle. Non, mais là, c'est... Donne-y un type de 25 cents, sérieux. Ben, peut-être que lui, ça va prendre plus de temps sur sa run, là. Peut-être qu'il va finir en retard. Peut-être qu'il n'y a pas de main. Livre ton colis avec ses bras. Je sais pas, Tania. Je trouve que tu y vas loin un petit peu. Ben là, je trouve que les gens exagèrent avec ça. OK, peut-être un petit peu. Mais ensuite... c'est parce que toi, tu commandes trop sur Internet. Ouais, mais j'aime vraiment ça. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut tout le temps t'aller à la pharmacie. Je suis tout le temps rendu là, c'est ça la fin. Ben, c'est ça. Arrête d'acheter en ligne. Ah, OK. Il nous en reste un dernier, on va finir avec celui-là. Il y a ce qu'on appelle en Nouvelle-Zélande. Donc, tu connais déjà le Père Noël secret, là, de piger le nom de quelqu'un. Oui, oui, oui. Pour lui faire un cadeau. Bon, c'est le fun, là, mais dans la Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose de nouveau. On a le. Comment ça s'appelle ça? Le Secret Santa à l'échelle de la nation. OK. Du pays au complet. Genre, donc, tu vas sur Facebook, non? Les gens sont matchés via Twitter, en fait. Ouais, et les participants essaient ensuite de trouver le cadeau idéal en cherchant sur Internet des informations sur la personne. Les participants peuvent remplir c'est un questionnaire. Ben ouais, un petit peu. Là. Les participants peuvent remplir, ben au moins ils participent volontairement. Ouais, ouais, c'est ça. Ils remplissent un questionnaire pour que l'autre personne puisse trouver une idée cadeau. Et ça se fie sur la personnalité que la personne a sur Internet aussi. Donc c'est vraiment cool. C'est surveillé par le NZ Post, qui a un entrepôt dédié pour classer les cadeaux. Wow. C'est eux qui ont pris la responsabilité versus 2013 où quelqu'un, un homme, une personne avait démarré ça en 2010 et puis après ça en 2013 le NZ Post l'a racheté, le concept. C'est vraiment vraiment bien. C'est bien. Les enregistrements, s'enregistrer, ouais, c'est ça pour cet événement-là, c'est terminé. De toute façon, c'était en Nouvelle-Zélande. Mais il y a eu 3622 participants qui doivent maintenant enquêter et magasiner. Même la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a participé à l'échange de cadeaux. Les cadeaux qui vont être livrés le 18 décembre. On peut suivre ça sur NZ Secret Santa sur Twitter pour voir les choses se passer. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Vraiment fun. Je devrais demander à Justin de le faire. Justin Trudeau! C'est sûr qu'il dirait oui. Ouais, nous, on ne fera pas ça. Non. voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est sur les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Pour plus d'informations, les notes de l'émission numéro 1164. Maintenant, on l'a vu, Tania et moi, réagir à ces derniers gadgets depuis les dernières minutes. C'est Marc Lachance qui s'en vient dans quelques minutes. Le temps de te poser la question de qu'est-ce qui s'en vient tantôt dans la chronique de la lutte. De quoi est-ce qu'on va discuter dans cette chronique-là de la lutte? Du match de cette semaine, bien sûr. J'aurais jamais deviné ça. Moi non plus. Vraiment, c'est une information qui est... Starring un kick-out. Starring un kick-out! Ah, t'as raison. Qui s'est fait jeter dehors du match. Et c'est une personne qu'on s'attendrait vraiment à ce qu'elle soit fait kick-out avant. Ah, mon Dieu. On en parlera tantôt dans les chroniques, dans les coulisses de la lutte au retour. Restez là. C'est grave. Oui. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ah! Aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce mercredi 29 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, et on a Marc Lachance qui va être avec nous tout à l'heure pour la chronique dans les coulisses de la huître. On lui laisse le temps de s'installer parce qu'il a non seulement la chronique de la huître à faire. Oui. Mais en plus, il va faire sa propre chronique. C'est vrai. Deux chroniques. De choses humaines et niaiseuses. On a hâte. On sait pas du tout ce que ça veut dire. Humaine et niaiseuse, on pourrait dire. Il n'y a pas l'air à savoir le nom. Non, je pense pas. Sa face dit je suis prêt, là, je suis préparé. Ouais, c'est ça. Mais il a l'air très préparé, là. Il a l'air à ça, hein? Il a l'air concentré. Ouais, ouais, ouais. On voit qu'il trouve, absorbe. Il absorbe l'émission. Exactement. T'sais. On va lui faire absorber. Comment est-ce qu'il faut que je parle? Ouais. T'sais, il nous regarde parler près du micro, presque l'embrasser. Exactement. T'sais, il apprend des choses en même faut temps. Faut que tu frenches ton micro. Ah oui. Il fait des faces, OK. Ouais. C'est perturbant. On écoute, justement, quelqu'un de perturbant dans ses propos parce qu'il parle de ses matins qui sont un petit peu aigre-douce. C'est Bittersweet Mornings. Voici Pierre Quenders. Assemblage requis. Keep Pierre avec Blablabla. Oui, un beau petit bloc musical de deux pièces, ça fait du bien une fois de temps en temps. Parce que là, on a Marc Lachance. Marc Lachance, il est gêné. Il est gêné d'être en studio. Mais oui. Mais je savais pas si j'avais le droit de parler. Là, mais oui, voyons. Ah, là, j'ai ma permission. Il est intimidé devant nous, yeah. Mathieu Plante. Okay. Oui. Moi, je souriais. C'est ça. Oui. Donc, c'est lui qu'on accueille. Pas pour sa chronique tout de suite. On va le mettre dans le bain en premier en faisant quelque chose de vraiment simple, c'est-à-dire dans les coulisses de la huître. Oui, où on parle du match d'improvisation qui a eu lieu lundi soir à la Sauce Galerie, oui, à 20h. Et c'est Marc Lachance qui est en remplacement de Gabriel Béhoud cette semaine. Et en fait, Gabriel, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Xavier Mekli, je l'ai remplacé. Frédéric Simon l'a remplacé. Mais encore une fois, il est en enseignement à l'école. Ouais, ben, il remplace. Ouais, c'est ça, remplaçant. Ouais, c'est ça. Bref, ben, on s'ennuie de lui, mais ça veut pas dire qu'on fera pas la chronique de lui de la lutte quand même. No. Et Marc, le match de lundi soir, qui jouait ce match-là déjà? C'est les Verts et Rouges. Les Verts et Rouges, ben, les Verts. Donc toi? Ouais, moi, je jouais au match, en c'est fait. C'est ça. T'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Moi, c'est un de mes top 3 matchs de l'année jusqu'à maintenant. Ah, peut-être même top 2, je crois. C'est vraiment un match qu'on a vécu qui était absolument excellent, arbitré de main de maître par Alexandre Marchand. Alexandre, qui commence à mettre son pied par terre, vraiment, là. Ouais. Puis je pense qu'il commence à accepter comme son style aussi. Comment est-ce que tu décrirais son style? Je dirais... Pince sans rire un peu. Ouais. Puis on connaît Alexandre Marchand comme quelqu'un de très analytique, studieux un peu, par la bande, qui nous sort des références très poussées, mais vraiment juste à point. Je pense que ça définit un peu son style d'arbitre, tranquillement, là. Il est capable de donner des punitions très justifiées, mais aussi de ne pas se faire dégrounder, on va dire, par les joueurs qui essayent de l'attaquer par la suite. Il évite ses patins quand l'arbitre vient essayer de défendre sa punition, sa pénalité. Alex Marchand, il te remet ça dans la face pas mal. Justement, ça a été assez fort côté pénalité hier, et ça a mené à un revirement de situation qu'on s'attendait pas à voir. Et là, je suis en train de réfléchir à qui s'est fait sacrer dehors. C'est Francis Dugré-Lamprance. Ouais. On a connu un premier décrochage dans les premières impros qu'il a fait. Et puis après ça, on a eu une comparée où est-ce que... Vraiment, on l'a échappé. Je pense que Francis l'a échappé complètement. Même l'équipe des Verts aussi avait ri subtilement. Ben c'est ça. Quand Alex est venu nous dire la pénalité, j'ai dit « Ok, donc les autres se sont mieux cachés que Francis. » Ouais. Parce qu'en tant que tel, tout le monde riait vraiment sur cette impro-là. Ouais, mais Francis a quand même ri 3 fois. Ouais. Il sortait de l'improvisation pour aller rire dans le coin et revenir. Tellement. Et il s'est fait sacré dehors du match. Et après ça, il est allé s'asseoir au bar sur le côté de la salle et faisait des fingers sur la scène tout le temps. Et ensuite, à la fin du match, Francis s'est fait demander de revenir sur la scène pour un sketch. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du match, en fait, on avait une improvisation populace ou quelque chose comme ça. Dans le fond, le public avait droit de choisir le prochain événement qui allait se produire dans l'improvisation avec quelques choix. Ils pouvaient voter rapidement. Et c'était quand même l'arbitre qui choisissait les choix. Les joueurs sur scène essayaient de faire des moments où ils voulaient que le choix soit donné. Puis là, clairement, l'arbitre, c'était pas nécessairement là qu'il voulait le faire. Il attendait encore un petit peu. Puis là, à un moment donné, il demandait les choix. On a joué un petit peu avec la catégorie de la part de Gabriel Béhoud. Exact. Pour en revenir à Francis, par contre, il a été proposé dans un des choix qu'il fasse un des personnages qui allait revenir où ça allait être moi. Puis évidemment, le public allait choisir la personne qui s'est fait renvoyer avant même la deuxième partie du match. Ce qui est un petit peu injuste parce qu'en tant que tel, l'équipe est supposée être à 3 joueurs, puis là, finalement, ils sont à 4. Fait que tu sais. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour le spectacle? Hein? Exactement. Mais au sujet de l'injustice, je pense que ça s'est retourné un petit peu contre Francis, qu'il se va choisir, s'attendait à pouvoir revenir jouer, mais les joueurs ont décidé de ne pas utiliser son personnage, même s'il avait été voté pour son retour. Donc, ils ont complètement changé le choix du public et ouais. Ils l'ont comme annulé, en guillemets. J'ai aimé à la fin, il fallait qu'il fasse un petit genre de discours épique. Puis là, il y avait comme choix de réponse, est-ce que vous voulez que Frédéric Simon le fasse ou quelqu'un d'autre? Et là, Frédéric Simon n'a pas été choisi, il a fait comme « Oh, phew! » Mais le coup d'après, ça a été Frédéric qui a été obligé d'en faire un. ça en revient toujours dessus. Ben oui, tu peux pas t'en sauver, surtout quand c'est apparent que tu veux pas faire quelque chose dans un sketch. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre comme sketch dans le match de lundi soir? Je dirais l'espèce d'improvisation gladiateur, ou en tout cas dans le style où est-ce que chacun des joueurs d'une équipe doivent passer à l'avant, à la scène. Mm-hmm. C'est souvent en mixte. Dans ce cas-ci, ça l'était. Donc, un joueur des rouges affronte un joueur des verts et doit faire quelque chose durant l'improvisation, sans quoi il se fait jeter dehors et c'est le prochain gladiateur qui passe à l'acte. Cette fois-ci, on avait affaire à une rimée. Et oui, c'était la chose, c'était que si quelqu'un faisait quelque chose, c'était pas une rime, c'est l'arbitre qui sifflait et exact, qui faisait tasser. Exact, okay. Exact. Puis, en tout cas, les rimés, c'est pas si pire pour mon cas, mais les gladiateurs, je sais pas pourquoi, tu peux me demander, dis, fais des rimés, fais quelque chose avec lequel t'es habitué. Et là, mon cerveau fait juste comme, ah, ben c'est pas grave, je vais me laisser aller. Ouais, c'est comme d'habitude, ça va se faire tout seul. Première phrase, je me fais juste là. Première phrase. On se rappellera des événements de ni oui ni non. Où est-ce que je commence l'impro en disant ouais, ça va toi? C'est du délice. Et il avait donné en plus une contrainte additionnelle où si tu faisais trop de rimes en « et », tu te faisais aussi sacré dehors. Ouais, ouais, ah, pour vrai? Mon Dieu, c'est strict. C'est trop facile. Ouais. Et, hein? Autre chose dans le match de lundi, qu'est-ce qu'on avait? On a fait tirer des tasses. Et oui. Les gens aimaient ça, de la bière, des livres. Donc, restez là tout le temps jusqu'à la fin du match pour gagner plein de choses. L'impro littéraire a été joué en comparé cette semaine, pour ceux qui s'intéressent. On a bâti quelque chose d'assez On avait assez sur la chasse-galerie, dans le fond. Oui, exactement. Sur le livre, comme conte-légende, en fait, de la chasse-galerie. Mm-hmm. Donc, on devait rebâtir quelque chose à ce sujet-là, en fait. Donc, comme recréer à travers un peu de on s'est fait nommer, peut-être l'emphase était mise sur un loup-garou, donc les équipes ont tourné un peu autour de ça. On s'éloignait de la chasse-galerie en soi, mais je pense que chacun a pu mettre sa couleur cette fois-ci par rapport à l'impro littéraire. Ça fait du bien parfois de peut-être la vivre en comparé. Ouais, ouais, t'as raison. Bref, un bon match qu'on a eu ensemble lundi soir. Et le prochain, c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu te rappelles qui joue la semaine prochaine? Je pense que je l'ai écrit pas ce moment-là, hein? Deux secondes. On va s'habituer à la formule, nous deux, ensemble. On va être le 4 décembre. C'est les oranges contre les bleus qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc, soyez-y. Ensuite, le 11 décembre, ça va être le dernier match de la demi-saison. Les oranges contre les verts vont jouer pour le dernier match. Après ça, on va reprendre ça à partir du mois de janvier. Le match s'est terminé 8-5 pour l'équipe des Verts. Oui, pas étonnant. Ils ont vraiment eu une belle performance. C'était un match plus axé sur les gags où, en fait, on a moins construit d'histoire comparativement à l'habitude. Peut-être que c'était dû au fait qu'on n'avait pas de filles. Ah! Hey, t'as raison, on l'a même pas mentionné en plus hier, il y avait zéro fille sur la scène. Mentionnons ça. Oh, ouais. Donc Karine qui s'est fait remplacer et Caroline aussi. C'est vrai. Aucune fille, peut-être que des garçons qui avaient envie de faire des blagues plus idiotes. on n'a pas tombé dans cette branche-là, dans la branche de jouer trop de personnages féminins. On a joué une fille. Une fille, moi et Jocelyn. Oui, donc, avec du rembourrage d'un fesse, hein, dans ton cas, c'est ça? Oui, oui, oui, ben, fallait s'y prêter, c'est ça. C'est ça. Donc, les substitutions ont joué, c'était Nicolas Marino et Maxime Landry, qui n'ont pas beaucoup joué cette saison-ci, donc il faut qu'ils s'habituent, et c'est en les faisant jouer qu'on va s'habituer, hein, oui. Comme ça. Donc, on les félicite et on leur souhaite que ça aille encore mieux avec le temps. Les deux capitaines étaient Gabriel Béaud et Francis Dugré-Lampron. Donc c'est pas mal tout ce que vous avez à savoir. Justement, les étoiles du match, pour terminer, du côté des rouges, on a donné l'étoile des verts à Frédéric Simon, qui pour vrai se démarque beaucoup cette année. Oui, puis il met son pied par terre de plus en plus. Je pense que autant en termes de... Avant, on le connaissait pour ses personnages très colorés, très comme douchebag, on va dire, ouais. Ou en tout cas très stéréotypé. Mais maintenant, il se défait de ça tranquillement. Plus en subtilité. Oui, oui, et il apporte peut-être plus, c'est ça justement, des petits traits. Et puis... des petites raies. Ah, Mathieu! mais je crois que il en est rendu à un point où est-ce que il s'assoit sur les improvisations et prend le temps de partager au niveau de l'histoire aussi. C'est quelque chose que je trouve qui a évolué chez cette personne-là dans la dernière année. C'est d'avoir animé qui l'a rendu là, je pense, l'année passée. Wow, ouais. C'est moi qui l'ai formé. Essaie d'être objectif. Vraiment. Mais justement, j'ai de la difficulté. Parlant d'essayer d'être objectif, l'étoile donnée par les verts au rouge est allée à Marc Lachance. Oh, wow. C'est toi, ça. Donc, comment est-ce que tu qualifierais le travail de Marc Lachance jusqu'à maintenant? Il s'assoit sur les impros. Une non, petite raie. Cette année, j'essaye autre chose. J'ai une équipe avec laquelle je suis aucunement habitué. On essaie de trouver une couleur à travers tout le parcours qu'on va avoir chacun d'entre nous. Je vous dirais, cette année, j'essaye... C'est ça. J'ai essayé complètement autre chose. Cette semaine, j'avais le goût d'être plus libre. Je pense que j'étais dans l'esprit d'être plus comic relief ou petit clown. J'ai fait quelques impros plus construites, mais vraiment moins en général. C'est pas un de mes matchs favoris, mais je considère avoir joué un très beau match en termes de show. Ben oui, mais, t'as eu l'étoile. Hein? Oui, c'est ça. Une prochaine fois, je vais jouer plus dans l'ombre. Tu veux laisser de la place aux autres un petit peu, c'est ça? Oui, ben c'est ce qu'on s'est dit, les rouges. On essaie de se partager beaucoup comme la scène. Ou en fait, c'est plutôt à titre d'essayer parfois d'être le rôle principal ou d'être le rôle secondaire ou tertiaire, tu sais. Ouais. C'est technique comme l'improvisation, ça paraît pas, mais c'est un sport. Oui, ça paraît pas, mais on s'entraîne pour ça. Peut-être pas assez rendu à l'université parce qu'on a beaucoup d'occupations, mais on passe l'été là-dessus. C'est vrai. Plusieurs d'entre nous pour faire des ateliers justement pour s'améliorer. Ou sinon Wamboozle ou d'autres petits événements comme ça d'improvisation. C'est le fun à voir. Et sinon, directement avant le match, dans les corridors. Aussi qu'on se pratique. C'est vrai. Ah, j'ai vu que... J'en vois des fois se pratiquer. T'sais, on pratique pas des gags, mais on pratique des concepts. On fait des ateliers, ouais. Puis parfois, on essaie de juste s'amener à penser à autre chose. Ouais. Juste pour... Rapidement, tu sais. On te donne un mot, ouais. Clac, tu vas à quoi. L'étoile de l'arbitre, elle, est allée à Gabriel Béhoud, un classique, quand même. Oui. Et c'est pas mal ça, on a dit 8-5 pour les Verts. Prochain match, lundi prochain, 4 décembre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'annonce comme un match entre les... Je l'avais sous la main tantôt, Colin. C'était les Bleus et les Oranges. Mes feuilles sont mêlées. Je pense que je vais remettre ça dans l'ordre. Merci, Marc Lachance. Ça fait plaisir. Chronique de la Luitre, toutes les semaines, les mercredis à 9h, avec quelqu'un différent pas mal à chaque semaine. Jusqu'à présent, ouais, pas mal. À ce moment-ci, on fait des tests, c'est le fun. C'est correct. On remplace Gabriel. C'est ça, ben ouais. Donc voilà, on est rendu à prendre une autre pause musicale avant de passer à ta chronique, Marc Lachance. Maintenant, je pense que t'es dedans, je pense que tu l'as l'affaire. Ouais, je pense que il est en business. Il est bien rodé, on est parti pour une tournée mondiale après ça. On ne peut plus. C'est merci. Ben, ouais. tiens, on va écouter une pièce qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ah ouais, moi, on l'aime-tu? Moi, je l'aime, toi, je le sais pas. Okay. Tu me dis que tu commences à... Il me semble que tu as dit que tu l'appréciais. Mais je peux pas savoir c'est quoi avant que tu me dises. C'est celle d'Octoplot qu'on veut tout le temps entendre. Oui. Hero Enemy tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou. Je n'aurai pas le trac du kilomètre. presque l'envie tombe. C'est pas normal de fuir son nom. Et si le temps me blesse, que l'air est lent, oh, on est là plongé au fond. Héros ou ennemis, personne ne veut le savoir. Héros ou ennemi. ça, on aime tellement ça, cette chanson-là. Pendant qu'on regarde les gars de la construction se construire une porte patio. On ne sait pas ce qui se passe là à côté de nous autres, mais vous allez probablement entendre ce qui se passe. C'est ça, parce que ça nous bouge dans le péteux un petit peu en ce moment. Là, ben, j'oserais pas dire jusque ça, là, mais non. Mathieu, écoute. Je suis sensible des fesses. Au retour de la pause, ça va être ta chronique humaine et folle, raide. Qu'est-ce que ça en vient tantôt? De quoi tu vas nous parler de choses nono? On définit en fait ce que c'est qu'être nono. Oh! OK. Je pense que c'est un mot qu'on échappe dans notre vie. Oui, on l'utilise à tort et à travers. On travaille là-dessus. Vous avez bien les oreilles, il y en a qui vont se reconnaître. Non, c'est possible. En fait, ce serait ce que je souhaite. Bon! Ben, on vient j'ai pas peur, là. On dirait que j'ai peur. Non, ça va bien aller. Ah, cool. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. De retour dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Ok, oui. Oh, oui. Mais nous ne sommes pas seuls. Non, une chance. Marc, la chance. Ah, oh, j'ai dit une chance. Hey, c'était quétaine. Il doit être tanné de se faire dire des affaires de même. C'est clair. Mais non. Mais non, un check de face, c'est comme ça. Oui. C'est pas grave, c'est mon ami, j'ai pas le choix. J'aime ça m'attendre quand tu me sers les joues. Non, c'est le fun quand tu dis une chance avec mon nom. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien le fun. Oh, mais si c'est sa tante, elle a la même. Elle a le même nom de famille. Elle aussi, elle s'est fait faire la petite blague. Pas nécessairement, t'as deux côtés de famille. Ouais. Ah. Oh. Et hein, on porte à réfléchir là ce matin. L'autre barre s'appelle toute une. Donc Marc Lachance était avec nous pour une petite chronique sur les nounouneries, hein. Et une petite intro là vraiment à la va-vite. C'était pas le bout le plus approprié de la chanson pour cette chronique-là, mais bon, on l'a pris au hasard un petit peu. Marc Lachance, tu veux définir pour nous aujourd'hui ce que ça veut dire d'être nounou? Oui, ben en fait, on répond à une problématique aujourd'hui en groupe. Okay. Sur le fait que être nono, ça veut pas dire la même chose pour chacune des personnes. Ouais, c'est vrai ça. Hein? Donc, mm-hmm. on va y travailler ensemble. Okay. Apportons d'abord une partie scientifique ou du moins sérieuse, une recherche sérieuse. Qui est l'explication, non? Ah ouais, qui est l'explication, okay. Qui est des définitions selon plusieurs dictionnaires. Ok, tu vas mettre ton sarreau, tes lunettes. Ouais, c'est direct ça. Okay. C'est le moment scientifique où est-ce que j'ai mes petites lunettes de nerds que j'ai pas encore. Mais t'es du genre à t'amener un costume pour ta chronique, toi? Ouais, c'est puis les gens ne verraient pas, mais c'est pas grave. C'est de la bonne radio. Excellent. Sinon, allons-y avec nono. Est-ce que vous saviez que c'était un fruit? Hein? Le nono? Oui. Ah non. C'est un fruit de la Morinda citrifolia. Ben oui! C'est une plante polynésienne, en fait, qui est estimée pour quelques trucs de la santé. OK. Ça, c'est selon le dictionnaire Reverso, mais c'est revenu dans plusieurs de mes recherches. Le nono. Oui, oui. Le nono, c'est un fruit d'un arbre. En fait, l'internaute l'a défini d'une autre façon en disant que c'est un arbre et son fruit aussi. Ça, donc, ça porterait le même nom ou... Le nono, ça vient du nononier, j'imagine. C'est soit, c'est la famille. Puis c'est ça, c'est répandu en Polynésie française. Le fruit serait d'une couleur verte ou jaune, de forme ovale, qui serait tachée de petites marques de couleur marron. Ah oui? Probablement. Le citron, finalement. Ouais, ça ressemble à un jelly bean. Ça serait mieux une jelly bean. Ouais, restons ça. Dans le nono. Puis il serait utilisé pour des propriétés médicinales. Connu pour être... dans le fond, c'est un antibiotique naturel. Ah oui? Oh, ouais. Comme les jelly beans. Ben, pareil, je sais pas si tu... Des jelly beans, ouais, ça. Ouais, ça soigne. C'est un jelly bean pour adultes. C'est ça, exactement. En fait, après ça, est venu rapidement... j'ai l'impression que ça vient peut-être d'un côté espagnol, là, parce okay. que après mes recherches ont commencé à être douteuses. Et c'est là que... T'as un TDA, hein? Non, tu t'es perdu en cours de route, non? Arrête. C'est là que on va mettre tout de suite l'emphase sur le point important de la journée. Être nono, c'est mal défini. Ah, OK. Ouais. Parce que regardez ce qui s'en vient par la suite. J'ai peur. Nono, on m'a suggéré une traduction espagnole vers le français qui vient de nona. Nona? Ouais. Qui veut dire neuvième. Ah, ben oui. Ah, OK. Ouais. Ben puis oui. Ça faisait encore référence à la façon de compter les arbres. Ben voyons, ah, ben voyons, ouais, ça. OK, ça. Quand t'es niaiseux, finalement, t'es un arbre. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste une référence, je vous le dis. Ça vient de quelques endroits. Mais après... 9e, ça se peut que ce soit le 9e d'une lignée de nono, par contre. Ah, ça, c'est bien possible. Ouais. C'est bien possible. Des fois, les rappers ont le nom genre 3e du nom. Les autres, c'est 3e du nono. 9e du nono. Exactement. Ça finit plus. Nono 9e. Nono 9e. C'est... Louis-Charles Nono. Nono El Nono. Puis sinon, après ça, on tombe tout de suite vers l'anglais. OK. Là, on se rapproche d'un petit quelque chose avec no-no. No-no. C'est comme quelque chose qui est interdit, qui est pas avisé. Sans oui, c'est no-no, comment on dit. C'est ça. Ben, en fait, c'est quelque chose qui est comme incorrect et pas sûr. C'est comme dire that thing is a no-no. Ah, okay. C'est comme une non-recommandation. Donc, tu sais, c'est comme dire ne touche pas à ce bébé. Là, là, Non, je sais pas. C'est ça. Oui, oui. les parents veulent pas que tu y touches, fait que c'est un non-non. It's a no-no. C'est drôle, ça. Fait que, tu sais, voyez-vous, il y a comme une petite connotation. Là, on se rapproche de quelque chose. Ouais. On est loin, mais on se rapproche. C'est ça. Mais. Vous saurez que la meilleure source que j'ai trouvée qui s'est rapprochée du plus près de ce que c'est pour nous, c'est le Wiktionnaire. Oh. Ah. Wikipédia en a fait quelques bonnes définitions, a rapporté d'abord par la botanique le fruit qu'on a discuté ouais, tout à l'heure. Classique, ouais. Cette fois-ci, amenait le terme québécois. Et juste avant, amenait aussi un terme zoologique qui m'a quand même fait rire. Okay. Rappelons l'importance de définir nono par cette définition un peu étrange qui serait d'un insecte tropical. Ah? Et apparemment, qu'il y aurait une piqûre douloureuse. En fait, qui. C'est dur parce que s'il veut te piquer, tu fais comme non. Non, non, non, c'est vrai de la pelle. C'est ça, exactement. Puis il t'amène un fruit. C'est ça. Si, ben là, tu me l'as demandé. C'est un gentil insecte. Il pique, ça fait mal, c'est vraiment pas le fun. Mais. C'est un fruit. Ouais, c'est ça. Voilà un petit fruit. Mais sinon, c'est ça. Allons-y avec l'étymologie parce que ça m'a fait rire. Oh, oh. Et puis Mathieu, prépare-toi, tu vas pouvoir faire une belle blague et penser de façon différente. Okay. Pour rester poli. Comme il fait tout alors, le temps. Alors l'étymologie viendrait d'un adverbe qui serait du mot latin nonus. Oh. Ouais, ok. Hey, je me retiens depuis tantôt de pas faire des jeux de mots de nous. Mais il faut que je fasse les jeux de la nuit. C'est ça. Ça voudrait dire de même sens. Ah. Ah, ok. On n'est plus pas toutes dans la même sphère. Ben, c'est comme les enfants, faut tes frottes de l'arrière sur l'avant, l'arrière, quand tu sur leur nunu. C'est ça. C'est ça. En changeant la couche. En changeant la couche. Des choses que j'ai retenues, ça, de mon de mon rôle de gardiennage. Ouais, c'est ça, de mon gardiennage. Ouais, non. Puis, à ce que j'ai compris, ça pourrait être aussi un jeu de mots. Ah! Hein? Hein, c'est pour toi, ça. Merci. Sur comme un sens de non-occupé. Oh, non-occupé. Ouais. Non. C'est une bonne sœur dans Rock and Nun. Une non-occupée. Une non-occupée. À chanter dans une chorale. Je n'avais pas de chanson en tête du tout. Donc, par la suite, on arrive vraiment à la définition qui est plus québécoise. Wiktionnaire prend le temps de spécifier que c'est péjoratif. Clairement, j'espère. Il y a mille étangs. Mais c'est rare que tu vas dire genre, hey, ce gars-là est tellement funny. Non. Ah non, c'est vrai, c'est ouais, tu peux le dire. Positif. Attention. Oh, ben oui. Ton nono, tu sais, une fille dit ça d'un gars. Ton nono, ça veut dire qu'elle tape dessus. Voyez-vous, il y a déjà le petit combat là, entre vous deux. Il y a les petites flamèches qui se traversent entre ouais, vos micros, à savoir si c'est poli ou pas. C'est ça. Proposons les temps péjoratifs de Wiktionnaire pour commencer avec le fait que c'est une personne stupide, ignorante ou niaise. C'est ça, un nono. C'est plus méchant. C'est ma définition du nono. Ouais. Mais je pourrais le traiter de fruit aussi, si aussi, je veux. Dire. Que... Ouais, nono. Ou d'insectes ou d'arbres. Ça dépend. Et Wiktionnaire a quand même spécifié le fait que ça pouvait être accordé au féminin avec nounoun. Okay. Évidemment. C'est bizarre que nono devienne nounoun. Ouais, c'est ça, hein? Il y a le nounoun. Où est apparu le premier et le deuxième mot, ça? Non, c'est N-O-U-N-O-U. C'est ouais. Ça aussi, il y a deux U de plus nounoun. Que dans nounoun. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est okay. Vrai, ça aurait dû être nounoun. Nounoun? T'es donc ben nounoun? T'es donc ben nounoun. Ouais, c'est ça, c'est comme... Peut-être que ça se rapproche trop de nanan. Peut-être, mais tu sais, en espagnol, les mots qui finissent en O, au féminin, finissent en A. Fait que là, ce serait nana... Ouais, ouais. Ça existait déjà. C'est un peu complexe. Ouais. Nonona. Nonona. Nonona. Sinon, ils mettent quand même un exemple qui est digne de mention. OK. Le premier exemple, là, est vraiment... En tout cas, je vous laisse... J'ai eu l'air d'un beau nono quand ils ont ouvert la porte. Wow! Avec ça, c'est québécois, les amis. C'est ça. Imaginez-vous, à une seconde, que vous n'êtes pas québécois, que vous avez cet exemple-là par le Wiktionnaire. Vous faites une recherche parce que vous êtes fait traiter de nono. Ouais. Et vous faites cette recherche-là. Est-ce que ça vous explique cet exemple-là, t'sais? Tellement, mais tellement pas. J'ai eu l'air d'un beau nono quand ils ont ouvert la porte. Il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. C'est... Mais en même temps, il y a les gars de la construction dehors qui sont en train d'installer une porte, quelque chose comme ça. Fait que peut-être que ça a rapport avec eux autres. On sait pas. Eux autres, ils changent la porte. Hein, parce que clairement, dans l'exemple, c'était c'est la porte. C'est clairement eux, les nonos. C'est la porte. Mais oui, clairement. C'est pas nous qui le disons, c'est le dictionnaire. Sinon, ben, continuons sur comme l'aspect plus adjectif du mot nono. Qui rappelle encore tout le fait d'être péjoratif, un peu stupide, ignorant, niais. Ils ont mis un meilleur exemple là-dessus, par exemple, qui serait « C'est tellement nono votre affaire ». Ben oui. Ben oui, mais là... Là c'est ça plus clair. Non! Mais clairement, nono vient de niaiseux. Oui. Mais quand t'as eu la définition en premier, là, ça sonne mieux. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. T'sais, dis-toi que t'as lu la définition, l'exemple. Mais c'est un bon exemple pour être genre, ah, le gars, je sais pas, il a pilé dans son seau de peinture, il est donc ben nono. Genre, tu sais, au moins, il est donc ben niaiseux. Mais ouais, on sent moi, que c'est un exemple. On sent que c'est un jugement, que ça apporte quelque chose. C'est péjoratif. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de jugement, puis. À nous choisir si c'est péjoratif ou c'est pas. Ça. C'est au lieu de dire « il est con », on a décidé d'y aller moins brusquement pour dire « il est nono ». Aha, on atteint déjà un premier point qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure, oui. Je veux juste apporter une dernière chose. « Nono » peut être vu comme quelque chose de désuet. Ah ouais? Saviez-vous ça? Non. Non? Ben, ça a l'air que c'est pas de notre région. Ah! Okay. Il n'y a pas d'explication là-dessus non plus. Ils prennent le temps de dire que ça serait par rapport à l'histoire, comme quelque chose de non occupé. Non occupé, c'était ça. Et l'exemple est encore une fois issu du Wikipédia mode, c'est-à-dire la zone nono. Ah! OK, non, sûrement sur une carte, genre, à place d'écrire non occupé, tu écrivais nono. Nono. Oh my god, quel bon call. D'après moi. J'aime ça. Ouais. Les vieilles cartes qu'on avait dans les cours de géographie. Tout le temps écrit nono dessus. Tout le temps. Je me demandais pourquoi. Cherchais le Québec. C'est ça. Excusez. Donc, on arrive au moment où est-ce que je voulais, avec vous, aujourd'hui, définir ce que c'est que d'être nono. Oui. Donc, on a des mots officiels. Faut d'abord s'entendre sur le fait que ça peut être péjoratif ou pas. Mm-hmm. OK. C'est un point qui est rapporté souvent et qui fait part de certaines contradictions chez la définition des gens. Mmh. OK. Si je vais me permettre, en fait, c'est moi l'animateur de la chronique. C'est ben ça, allez, là, vas-y. Hein? C'est quelque chose que je vois comme étant pas péjoratif. Oh, OK. Ouais. Et misère. c'est plutôt... en fait, je veux aujourd'hui qu'on définisse selon trois points. Commençons par le point qui est niaiseux ou con. Mm-hmm. Oui. Parce que c'est quelque chose qui se ramène souvent. La façon que je le vois par chez nous, en Beauce, ah bon, on se traite de nono ou de nounoune quand on trouve la personne. C'est peut-être un peu, au lieu de dire « t'es tellement con », genre, tu sais, amicalement. Uh-huh. Oui, c'est ça. Ça vient remplacer cette forme-là. OK. Donc, c'est positif. Donc, on veut c'est pas être positif. Méchant. Ouais, c'est positif. Okay. C'est comme difficile pour nous de le définir comme étant quelque chose de niaiseux de façon correcte, mais c'est quand même un... Tu sais, tu dis pas ça comme... Ben, c'est ça, tu sais, dans une chicane, là, t'es nono, ça passe moins bien que t'es calme. Mais nous, on va plus utiliser le terme genre « t'es bien tarte ». Tarte? Ah oui, tarte. Ben oui. Ça, okay. C'est quelque chose qu'on employait quand on était jeune. Ou, ouais. Tu sais, le fameux « t'es bien cave ouais. ». Oui, ça, ouais. Ça serait de ma région. Je sais faire pas plus fancy moi que aussi, tarte, dire « t'es cave », t'es cave, c'est commun chez nous. Ouais. Ouais. De le dire. T'es de où, toi? Cable Madeleine? De toi, ouais, de Trois-Rivières. J'avais pas de la Beauce, là, mais... C'est ça? Moi, j'aurais tendance à être pas mal du même avis que toi, Marc, parce que c'est fin. C'est trop fin, Nono. On dirait que tu dirais ça à t'sais, quelqu'un que t'aimes bien, mais que t'aimes ça rire un petit peu de lui des fois. Okay, c'est tellement Nono, mais t'sais, ouais, c'est aucunement méchant. J'ai non, jamais dit ça méchamment. Tu dis de façon un peu sarcastique, ouais. Au lieu de dire t'es ouais. Con. Tu dis genre, ah, t'es nono. Genre, tu sais, t'as fait un call que t'aurais pas dû ah, en onde, mettons, tu sais. Bah, t'es nono. T'es nono, c'est ça. Mais c'est pas méchant, c'est comme quasiment fin. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit c'est positif. C'est ça. Moi, je suis tout seul. Tania, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? J'ai rien d'autre à ajouter. C'est bon, mais on arrête tout ça. Ça transitionne bien vers le deuxième point de notre définition qui va être le mot attachant. Aha. Ah, c'est beau ça, ouais, j'aime parce ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre et en fait, être nono, je vous l'amène le côté attachant par le fait que quand on prend le temps de le dire et d'analyser le mot par le mouvement de notre bouche. attention, c'est vraiment une expérience que vous pouvez faire s'il y a des auditeurs qui sont seuls en ce moment. Dans votre voiture. Être seul, OK, c'est vraiment important. Essayez de dire nono, mais comme... Juste par de sentir le mouvement. Non. Tu sais, on sent qu'il y a comme un mouvement qui est drôle. Ouais, il y a un mouvement, tu peux pas être pris au sérieux, c'est sec. Ça. Ouais. Non. Ça fait agressif, niaiseux. Niaiseux, ça sonne flat. Ça fait allemand quasiment cave, mais non, c'est ça. Non, c'est trop strict. C'est ça, c'est strict. Non. T'as comme un roulement du premier M qui est... C'est mou. C'est ça. T'as cause du haut. Ouais. Comme dirait Louis-José Hood, c'est rond. Ça roule. Ça roule en bouche. Ouais. Fait on a déjà parlé un petit peu de ce qui est attachant. Je vous amène peut-être à ce point-là. Est-ce que... Ouais. Ouais, ben, tu sais, moi, je donnais tantôt comme exemple d'une personne que tu dis, ah, t'es donc ben nono. Tu sais, mettons, prenons l'exemple de notre chroniqueur David Ferron. Mettons. Ouais. David Ferron, des fois on rit un petit peu avec lui, de lui, lui rit de nous, on a une bonne relation. Ouais, exactement, tout le monde rit. C'est ça, il est attachant, on dit que c'est comme notre petit animal de compagnie, tu sais. C'est ça. Il était nono, il était ben nono, David, t'es nono. Moi, je trouve ça drôle, puis c'est fin, c'est un compliment. C'est charmant aussi à un certain point. C'est charmant, c'est cute. C'est, tu sais, tu peux cruiser quelqu'un en lui disant qu'il est nono. En disant qu'il est nono, ben oui, oui, ben oui. Moi, c'est ma tactique. Non, c'est... Sur Tinder, c'est ça fait match, t'es nono. T'es nono. Tout le temps. Tout le temps, t'es nono, c'est pas vrai. Mais, je trouve quand même que ça a un côté charmant. Ouais. Parce que tu peux le dire au sexe opposé en voulant flirter. Oui. Oui. Puis encore là, il y a... Il y a la troisième portion de la définition et la dernière qui serait un côté comme humain. Humain. Humain. Ouais, dans le mot nono. Comme. Comme. ça se rapporte un petit peu au fait d'être attachant, mais ça se rapporte à nos qualités naturelles, comme si on avait droit de faire ça. C'est comme de l'empathie pour être cave. C'est ça. C'est vrai ça. La gaffe ou l'erreur nous rend humaine ou ça. Humain. Exact. C'est l'empathie de pas dire t'es cave. Tu y vas c'est plus ça. Doucement. Ben c'est ça. Puis là, après ça, j'avais quelques exemples. Ben oui, on en a depuis tout à l'heure, mais pour vraiment bien définir le côté humain, ça serait par exemple de dire chercher tes clés d'auto quand ils sont dans ta poche de manteau. Oh, oui, ah, c'est non, non, c'est vrai. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive que la mémoire, des fois, a fait défaillance. Là, on peut pas s'en vouloir pour ça. Mais c'est tout à fait niaiseux parce que tu, au final, tu, quand tu vas découvrir où sont tes clés, ils sont à la même place tu que tes clés. Tu peux pas dire que t'es con là-dessus. Non. Ça serait trop, trop rude. C'est ça. Trop méchant. Trop rude, j'aime ça ce mot-là, c'est bon ça. Fait que Nono répond à ce contexte-là. T'as besoin d'un mot à mettre là-dessus, c'est vrai. Nono. C'est moins pire. Mm. J'y suis dans encore un exemple qui se passe le matin. Okay. Ouais, le matin, je suis Nono. qui est comme oublier son café chez vous. Ah oui, c'est son lunch. Ah ouais, t'as un petit peu. Non, mais t'oublies ton café, okay, tu prends la voiture, oui. Tu te rends compte que, oups, il est pas dans ton porte-gobelet de voiture. Fait que là, tu fais, je vais retourner à l'intérieur, mais je veux pas enlever mes bottes mouillées. Ah ouais. Fait que là, tu y vas. Ah ouais, c'est ça. Non, mais tu y vas pour des techniques ultimes et là, t'as l'air Nono pour aller chercher ta tasse de café qui est sur la table. C'est comme t'as l'air d'un Ninja Warrior, sauf qu'après, c'est un Nono Ninja Warrior. Un Nono Ninja. Exactement. Exactement. Je sais pas si vous en avez. Vous pouvez m'interrompre aussi. Tantôt, j'en ai plusieurs. Si t'as entendu dans la chronique, c'est que ça ne répond. Là, on avait un petit distributeur pour les trempettes de mecs coquettes dans l'auto. Wow. Ça, c'est Nono. C'est Nono. Wow. C'est Nono. T'sais, c'est mon exemple. Tu vois, c'est quasiment cute. C'est cute. Parce c'est comme, quasiment cute. Tu sais, quelqu'un verrait ça, mettons que t'as acheté ça, t'as ça dans ta voiture. Ah, t'es vraiment Nono d'avoir acheté d'où, ça. D'où mon côté charmant. Ouais. C'est presque cute. Oui, c'est parce que je pense que là-dedans, il y a le côté cute, il y a aussi le côté de ça me donne le goût de rire de bon cœur. Oui, c'est ça. Je pense que c'est. De toi, mais avec toi. Exact. T'as le droit d'être Nono tout seul. Oui. Oh oui. Pas obligé d'être avec quelqu'un pour approuver le fait que t'es Nono. Ouais. C'est que si tu fais quelque chose de Nono, mais que tu le répètes souvent, là, ça peut devenir niaiseux. Ben. Là, tu peux devenir cave aussi. Tu sais? Non, mais c'est vrai, là. Parce qu'à un moment donné, il faut t'apprendre tes erreurs. Puis si t'es trop Nono, exponentiellement. Ouais. Tu sais? C'est comme une étape avant de. Oui. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est sur une échelle, mettons, tu pourrais, tu sais, t'as Nono. Gradifié. Ouais, est-ce que tu pourrais être gradifié? Est-ce que tu pourrais te rendre jusqu'à cave? T'es Nono. Ouais. T'es niaiseux. T'es con, pis t'es cave. T'es épais. Probablement quelque part là-dedans aussi. Épais, je le mettrais entre con et cave. Ah, peut-être. Ou plus pour l'intelligence. Waouh. Ouais. Épais. On travaille fort pour on a une belle ligne, ça stimule un débat, hein, le fait d'être Nono. Hey, t'as dit les vagues, ferait jamais ça, ça les dirait. Yeah. Hein? Vous vous rendez compte à quel point c'est bas dans l'échelle comparativement au restant des mots qu'on utilise. Ouais. Ben, c'est ça. Et pour nous, ça porte souvent la connotation de tarte. Donc, t'as quelqu'un qui te traite de Nono et tu le prends mal. Tu sais, c'est vrai. Surtout Nounoun, j'ai l'impression que c'est comme traiter méchamment une fille de blonde. De parce que ça, ça devient quasiment sexuel dans ce cas-là, sur le côté féminin, tu sais. Nounoun? Peut-être, ouais, peut-être à cause. Ben, c'est clairement à cause du mot Noun dans ça, là, mais je te dirais que. Je sais pas. Je pense que je le prends moins difficilement que con. Ben, je sais pas. Ouais, peut-être c'est un petit peu. T'es con, on dirait que ça vient attaquer ton intelligence. Boum! Nounoun est moins pire. T'es Nounoun? Ouais. T'es comme. T'es charmante. C'est moins pire que Toutoun. Ben, clairement. Pas sur la même. Ça n'a pas la même utilité. T'sais, un gars qui va être Toto. Aïe, t'es pas en train de dire qu'il est gras? C'est vrai, ça. Une toutoune, automatiquement, est grasse. Mm-hmm. Fait que tu vois, on travaille ce matin à associer le mot Nono à quelque chose de peut-être plus positif qu'on va pouvoir utiliser différemment. Arrêtez de le voir négatif. C'est ça. Dans cet ordre d'idées-là, en fait, j'ai envie de vous amener sur un autre exemple qui serait de pleurer. Mais et après ça, de réaliser que j'ai pleuré juste à cause de ça. Ah, c'est Nono. Tu sais, des fois, ça arrive. Là, quand on ça dépend fatigué. C'est quoi la raison, tu sais. Hein? Ça dépend tout le temps la raison, mais tu sais. Il y a des raisons pour lesquelles tu vas dire bon, je te casse. Ça peut être Nono. Mettons genre, je sais pas, t'as raté un examen, quelque chose comme ça, tu sais. Non, c'est peut-être important. Non, ça c'est important. C'est ça. Mettons rire aux éclats. Puis de commencer à pleurer de façon totalement vraie. À cause que t'es trop brûlé, t'as une fin de session, les étudiants. Puis finalement, tu pleures, tu sais, ça, c'est Nono. Ou rire, faire un petit pipi. Ça, c'est Nono. Ouais, ça, c'est Nono, ouais, c'est pas vrai, ça. On a perdu Marc. Il y a des choses qui vont pas venir. C'était pas écrit dans son texte. C'est ça, exactement. Ça, encore une fois, c'est pas Denis Lévesque qui aurait fait ça. Il nous a dit qu'on pouvait intervenir. Oui, tu sais, d'autres radios auraient des débats sur le mot fuck en français, tu sais. Nous, c'est Nono. C'est sur Nono. Ouais, écoute, on choisit tous nos combats. Hein? C'est fou, 80. Ben, dans la même branche que toi, des fois, faire un tipette. Hein? Un tipette, oui, tipette. C'est Nono. Ah, c'est Nono, ouais. Essayez de péter subtilement aussi. C'est Nono. Ça, c'est tout à fait Nono. Quand tu penses que c'est Nono-dorant. C'est pour ça. C'est la même place que la carte géographique. C'est Nono. Non-obstant, ouais. Non-occupé. Ensuite de ça, j'ai non d'autres... odorant. Ouais. Moi, toutes les personnes qui vont s'appeler Arsenault, je vais vouloir dire Arsenault. Wow. Ouais. C'est pas pire, ça. À partir de maintenant, tu vas pouvoir plugger le mot nono plus souvent. Tout le temps, quelqu'un s'appelle Janono. Ça va être merveilleux. Ouais. Se fâcher contre quelque chose d'inutile. Oui. Ben oui, c'est nono. C'est vrai, nono. Genre, tu te pètes le petit orteil sur le coin de la patte de lit ou sur même. Ouais, ça fait mal. Mais tu sais, ouais, ça fait mal. Moins pire que le coude. Ou tu sais, oui. Ouais, c'est ça. De quoi qu'il pète inutilement, puis là, ça défait ta journée, mais tu décides de te fâcher puis de lâcher des wing à chlac. Ah ouais, hein? Tu fais ça, toi? Oh, ouais. Lâche des nonos à la place. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, j'aimerais y aller vers danser en conduisant une voiture quand t'es seul. Oui. Ou danser. C'est ma toune! C'est que t'as compte ça. Tu sais, comme la fameuse phrase « danse comme si personne ne te regardait ». Moi, je fais tout le temps ça, OK? Je suis désolée aux gens que je croise en voiture. Je sais que j'en traumatise certains. Et quand j'étais plus jeune, là, mon père venait me mener à l'école. On faisait ça. Danser ensemble? Les deux, dans le char. Ouais. Les gens klaxonnaient. Ben voyons. Wow. C'est même pas des blagues. Ça met de la joie genre, dans ta vie. Vous étiez pas dans le chemin, là. Vous étiez stationné, genre? Non, on était en voiture. OK. Genre, on conduisait, là. Ah, ouais, j'avoue que... Je le fais encore, souvent. En tant que t'avances. Ben, c'est ça. T'sais. Ou à une lumière rouge, là, tu sais, tout le monde, personne peut, me voit. Ça peut être nono, mais nono charmant. C'est ça, exactement. Encore une fois, c'est charmant. Exactement. Puis, tu sais, c'est comme... Il y a différents degrés après ça, là, de danser dans sa voiture. Ben oui. Dans le film Click, à un moment donné, on voit quelqu'un qui danse vraiment fort dans sa voiture à côté du personnage principal. Adam Sandler. C'est ça. Ouais. Non, mais... Si tu te mets à twerker en conduisant, c'est un peu difficile. Ah, ouais, c'est ouais, ça. Ben là, hein. Ah, là, t'es cave. Un pied sous le volant. Ah ouais, c'est rendu cave, ça. Ah, on est passé. Ben, c'est parce que pour pouvoir twerker, il faut que tu sois pas attaché, il faut que tu sois debout. Tu sais, on s'entend, là. T'es à un niveau supérieur de nounounerie. Écoute, j'essaie vraiment de m'imaginer fort en ce moment en train d'essayer de twerker dans ma voiture. Ah, tu t'imagines, toi, j'aurais pensé que t'allais imaginer Tania. Mais bon. Non, non, wow, wow, wow. Et son pour père. Pour ça, je le fais pas. Mais tu sais, c'est peut-être une façon d'activer le siège chauffant. C'est en option, il t'a fait installer le gadget. C'est ça, c'est une commande. Ouais. Comme mettre le flasher. C'est nono, ça. Autre exemple, sûrement que ça vous est déjà arrivé, mais se faire cruiser. Ouais. Des fois, la personne qui cruise est un peu... Nounoun. Ça arrive, ouais. Puis je parle pas du fait qu'elle est non intelligente, mais tu sais, la façon de faire... Elle est pas habile. Ou restons dans l'aspect positif. Il y a deux façons d'être. C'est... Parfois, la façon de cruiser n'est pas vraiment importante si la personne a un attachement vers toi. Fait que tu peux dire n'importe quoi, tu peux être tout à fait nono et ça fonctionne. Ben, ça peut être un mauvais gag ou un petit genre « es-tu tombé du ciel » ou « whatever ». C'est ça. Des niaiseries de même, ça peut être charmant des fois. Ou cruiser, tu sais, juste de façon négative. Là. Cruiser juste en étant quasi méchant, en faisant tout le temps des jokes de sarcasme. Oh, wow. C'est un peu nono. Ouais, mais ça, c'est... Ah, tu vois la vibration des fesses, là? Hey, ça s'est fait ressentir, les amis. Tu sais que t'es ça. Oh! Ça, c'est nono. C'est nono. Il twerkait. Il twerkait sur la table. Ça n'a pas de sens. J'étais là, puis je sortais mon cash. Je suis pas certaine d'entendre ce que tu dis. Ah, il arrête. Ah, il a arrêté. Ooh. On dirait une façon d'appeler un orignal vraiment, vraiment moderne. Il appelle une drille, je pense. C'est ça, exactement. Je me sens, en tout cas, bref. Oui, c'était nono. C'est pas c'était mal nono, mais exemples-là. C'était merveilleux. Ouais. On a le temps pour... Est-ce que t'en avais un dernier ou t'en avais Non, ben, je vais conclure rapidement. Ouais, juste sur le fait que être nono, c'est comme une permission qu'on devrait avoir. C'est être nono, t'as le droit une fois par jour, c'est quoi? Si tu veux mettre non, de... c'est une permission personnelle qu'on devrait se donner dans notre vie. Ouais, c'est ça. C'est comme d'être authentique aussi. J'aimerais ouvrir sur cette... J'aime bien ça, l'authenticité. Cette partie de définition qu'on n'a pas donnée. L'authenticité! Soyez vous-même, les amis! Désolée! J'espère que vous l'entendez pas aussi fort que nous, on l'entend fort. J'espère au moins qu'ils l'entendent quand même quand on fait ça. J'espère. Là, c'est un peu agressant. Mais je sais pas tu devrais ouvrir le micro magique juste pour ça. Attention, là, on va ouvrir les micros. Ça s'en vient. Faut se mettre. C'est vrai que c'est un orignal. ça ou un léger pet? Ah, il y a peut-être quelqu'un de nado depuis tantôt. Ah, oh boy, boy. Hey, c'est un plaisir de t'avoir, Marc Lachance. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je sais pas si c'est en termes de mois ou d'années qu'on dit qu'il faudrait bien faire de la radio ensemble. D'années, j'en dis. Je pense que oui. On remettait ça plus tard, puis jusqu'à temps qu'on ait une idée. Je pense que la première année, j'ai commencé à animer. On avait croisé Marc, on en avait discuté. C'est vrai? J'en ai déjà fait de la radio au cégep. Fait que ça paraît. C'était mon envie de revenir. Puis là, j'avais une idée du temps. Oui. Puis là, ben, j'imagine que genre, tu vas finir ton université l'année prochaine pour on va te perdre déjà ça. Non, dans 3 ans. Oh! Bon, merveilleux. C'est un contrat. Puis là, les prochaines les prochaines fois, si vous permettez, on va utiliser les trucs qui peuvent être nono pour bonifier notre vie. Oh! Wow. Donc, j'en ai sorti quelques-uns et on va s'amuser là-dedans à découvrir des façons de vivre nonoun. Et des trucs nono pour s'aider. J'aime ça. C'est fantastique. Un autre non-épisode de cette chrononique nononique. Ouais, j'arrête ça. Merci, Marc Lachance. Ça fait plaisir. Je t'ai concentré, ça, je te dis. T'as comme du trémélo dans la voix, on dirait. Trémélo. Trémélo. Je sais pas. Trémolo. Une petite trémolo. Du vibrato. Oh. Du vibrato dans la voix, Mathieu. Vraiment. Hein? Hey, on va se quitter là-dessus pour une autre édition de l'Assemblage Requin. On va se retrouver demain entre 7h et 10h. Soyez là, bien sûr, pour l'émission. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai fermé ma page. Aujourd'hui, on remercie Sébastien Guertin pour son bulletin Guertin. Tout à fait. On remercie Alex Marchand pour sa chronique Dans sa tête. David Ferron va être de retour la semaine prochaine. Parmi nous pour sa chronique Zone Campus. C'est bien vrai. Demain à l'émission, je sais qu'on a Catherine Langlois pour sa chronique Voyage. Oui. Et on va se faire une grosse pointe tendresse, goûter à quelque chose de malsain. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, ne manquez pas la rediffusion de Compte à rebours dans quelques instants. Cet après-midi, il ne faudrait pas rater non plus l'émission humoristique de Xavier McLeish. VHS. Ensuite, je vais de retour pour le Mathieu Plante Show. Audiomatique va être là à 17h et EcouteDonc.ca ne sera pas là cette semaine. Oh, j'ai appris qu'il n'y a pas d'émission de EcouteDonc.ca, donc ça ira la semaine prochaine. On se quitte sur le bruit des drills. Hey, bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Et on se quitte aussi avec la chanson de Patrick Groux et les Bas Blancs qu'on essaie de faire jouer en intro tantôt. De bonne humeur. À demain. Bon café. 7h. Bye. À jouer au blackjack avec vidéo, ouais. Mon sac de chips d'une main, pis ma petite bière dans l'autre. J'étais beau comme Job, mais j'étais heureux comme un apôtre. Pourquoi mourir malheureux quand on peut vivre pour si peu? L'argent fait pas le bonheur, c'est peut-être vrai, je suis de bonne humeur. Mais si tu me donnais un petit million comme par miracle, demain, oh non, j'dirais pas non, j'dirais pas non. C'est peut-être vrai que quand t'as pas d'argent, tu vois la vie différemment. Au lieu de sortir puis de dépenser, tu restes chez vous, ben des poirées. Tu danses tout seul, t'écoutes tes fils. Tu vois une bouteille de vin qui se dévisse. Puis pire que ça, si t'es bien mal pris, t'écris une chanson pour fuir l'ennui. Puis pour ce qui est des amis, ça c'est pas ben ben compliqué. Quand tu restes dans un 2,5 semi-meublé, t'as de la misère à chauffer. Tu sais que les amis que t'as, ben sont pas là pour profiter de toi. Pourquoi mourir malheureux quand on peut vivre pour si peu? Il suffit de s'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'on n'a pas besoin de mieux. Un petit sourire, un petit bonjour, un petit oiseau qui vient faire son tour pour te faire des petits mamots. Pour faire des petits mamours. Pour faire des petits mamours. On vit peut-être pas dans un château, mais on a de la place dans le salon. essayer de chercher trop loin. Moi j'en ai vu qui ont tout, mais tout ce qu'ils veulent, c'est un nouveau rein. Pourquoi mourir malheureux quand on peut vivre pour si peu? Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on va toujours trouver.